Je n'ai aucun souvenir de ça. Bon. Tu vois ? Je ne sais pas. Alors, dilemme. On ne sort jamais indemne d'un dilemme. D'accord ? Il y a deux M. Sans dessus-dessous. Ou sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous. S-E-N-S. C'est important. Tu me dis, hein, parce que moi, tant que... Ah, mais vas-y. Non, mais parce que... Non, mais je cherche pas. Moi, je vais aller sur YouPorn. Et... Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Placement de produits. Big Alors, boobs. Est-ce que... est-ce qu'on Little commencerait finger. Pas... Voilà. On commence ? Ah bah d'accord, t'es en train d'enregistrer. Ouais. Ah bah bravo, tiens. Ah, ça fait bien, il y a des jeunes qui écoutent quand même, merde. Peut-être. Hein, des jeunes, des moins jeunes, des gens, des moins gens. Oh, bah alors hey, là, tu t'avances alors, un petit à la peu tienne. Vite. Hey. Alors attends, avant toute chose, on oui. tient à remercier Alexandre. Merci Alexandre. Qui nous a filé ses deux lèvres et qu'on trinque à sa santé. Donc pour bah, tout à fait, à la santé d'Alexandre. À la tienne Alexandre et merci, nous buvons cette bière voilà. pour Maintenant, toi. Maintenant c'est bon, tu peux ne plus écouter. Voilà, donc parce que c'est un fidèle amateur du podcast qui n'écoute que très rarement les émissions en entier, comme beaucoup les 10 premières minutes. Voilà. Un peu comme moi quoi. Du coup, on est parti feu. D'accord, partez, c'est go. Eh bien, bienvenue dans l'épisode 7 de cette saison 3 de Road to Hellfest, l'épisode Merci. Qui se passe un peu avant Noël, parce qu'on est quelques jours avant Noël, et aussi un peu avant le jour de l'an, parce que forcément, mathématiquement, on est aussi un peu avant le jour de l'an, mais l'épisode d'avant les vacances, un épisode normal, rien de spécial, tout va bien. D'accord, j'espère que l'année se termine bientôt, parce que mon agenda est bientôt vide. Bon. Pour Bientôt fini. Bon. Ah oui, plutôt parce que bientôt vide. Bah bientôt vide aussi, je rachète les pages. Ah oui, d'accord. Et du coup, t'as déjà prévu le 2019 ? Non. J'ai un calendrier, par contre. Ah, est-ce que tu as noirci quelques dates ? Oh, certaines, ouais. Oh, est-ce qu'il y a des choses un peu surprenantes ? Avril, janvier, juin. Août. Ah, toi, ça fait avril, janvier, juin. Mm. D'accord. Parce que c'est pas comme ça que ça commence ? Si, mais pas. Enfin, oui. Mais si. Attends, j'ai un calendrier pile poil devant moi. Ah, bah alors. Ah, tu vois, ça commence par le mois d'avril. Mais alors là, moi, j'ai juillet. Mais peut-être que je suis du mauvais côté. Ouais, ça doit être ça. Alors, as-tu passé une bonne semaine, Bob ? Oh, bah écoute, ce fut... Pareil. Ah, c'était sympa. T'as fait des trucs chouettes. Est-ce que tu as vécu des choses ? J'ai vécu des choses, ouais. D'accord. On a été intrusés. What ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une personne étrangère est venue ici. Ici, dans cette chaussée. Réviser la chaudière. Oh purée, me fais pas des sueurs froides. Ah ouais, t'y as cru, hein. Et donc, du coup, la personne a dû être assez surprise de voir un peu cette décoration. Il m'a demandé un autographe. On a fait un petit selfie ensemble. C'était sympa. Elle t'a dit... Il m'a dit, mais c'est toi, Bob ? Je fais, bah ouais, c'est moi, tu vois. Bienvenue dans mon antre. Comment ça, ton antre ? Bah, dans mon antre, je veux dire, c'est pas... ça reste quand même, à la base, moi qui paye le loyer, mec. Ouais, mais en quoi c'est ton antre ? Je veux dire, parce que sans moi... Ce serait juste une chaufferie. Ah, pas forcément. C'est un range-bordel aussi. Peut-être, mais ça serait sûrement pas un studio d'enregistrement. Un studio on air. Quoi ? Bah, c'est pas un studio, ça ? Bah, bien sûr que si. Il y a deux micros. C'est le meilleur du monde. Voilà. Il y a deux micros, de la bière et quelque chose qu'enregistre. C'est un studio d'enregistrement. Exactement. Voilà. Je suis assez d'accord. On aurait un pipeau ou autre chose. Regarde, Tu vois ? C'est une salle de répète. C'est une salle de répète. Putain, mais grave. Voilà. Alors... Je suis d'accord. Bon. Autant pour moi. Et du coup, alors, est-ce que ce chaud... Comment on appelle ça ? Ce chaudionneur ? Oui, c'est ça, ce chaudionneur. C'est un chaudionneur. Est-ce qu'il t'a posé... Il a dû te dire quand même, c'est étrange. Que dalle, rien. Non, non, il a pas tiqué. Je pense qu'il savait pas chez qui il était, en fait. Bah déjà, oui, non, mais il aurait déjà, moi, je ne sais pas qui je suis. Ah ouais, alors comme ça, vous collectionnez les bières vides et les micros. Oui, bah oui. Moi, j'aime bien. J'ai une table avec deux micros. Je fais ce que je veux, d'ailleurs. Des fois, bah, je vais d'un côté ou de l'autre. Il y en a, ils ont des billards, moi j'ai des micros. Ça me fait penser que je parlais justement avec quelqu'un au boulot et je dis ouais, ce soir j'enregistrais le podcast. Et en fait, pendant longtemps, il a dû croire dans la discussion parce qu'il m'a demandé vraiment que sur le tard, mais tu fais ça tout seul. Je me suis dit, mais putain. je me suis dit, ouais, je suis tout seul. Ouais, alors c'est bienvenue. Ça. C'est ça. Je pourrais le faire. Je fais deux voix, mais je suis très fort. Ouais. Voilà. Donc. Du coup, cette semaine, alors on n'a pas énormément de news Hellfest. Hein. D'accord. Donc quelque part, c'est un peu dommage vu que c'est un peu le thème du podcast. Mais oui, c'est temps, dommage. Ouais. Il y a quand même souvent, tout au long de l'année, peu de news Hellfest. Hein. Donc, c'est vrai. On a été, Bob et moi-même, piocher quelques news de ci, de là. Surtout de là. Hein. Surtout de là. Et je pense qu'on va pouvoir commencer directement par ça. Ouais. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, ouais. Parce qu'en plus, on n'est pas obligé de faire des grands épisodes, parce que bon, hein, il est déjà tard, la nuit est tombée, j'aime pas rouler de nuit. C'est ça. Toi-même, tu sais. Ah ouais, il est déjà 10h30. Ouais. 44. À la vache. Ah, oui, très bon, 44 d'ailleurs. Oui, mais pas pour rouler de nuit. Non. En plus, éviter. C'est l'hiver, il y a tous les loups qui sont sortis. Donc... C'est ça. Non. Et toi, cette semaine ? Ah, oh, mais oui, j'avais oublié que tu me. C'est vrai ce que tu dis. Cette semaine. Ouais, ok. Attends, je réfléchis vite. Non, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Ouais. Non. Non, rien d'exceptionnel, rien à noter. D'accord. Voilà, une semaine classique. J'ai avancé dans Spider-Man. Ah, d'accord. Je suis à 75%. Mon Dieu. Ouais, non. Ah ouais, quand même. Ah bah, je... Ouais. Ouais. Non, mais je... Ouais, ouais. Je vais le tu vas le bouffer, ouais. Ah ouais, ouais. Mm-hmm. Bah, après, il faut que je retourne sur Red Dead. Ah oui, c'est ça. Je voudrais pas dire ça trop fort pour pas que les gens pensent qu'on passe notre temps à jouer. C'est ça. Alors, non, j'ai strictement rien fait à part préparer cette émission. Hein. Voilà. Ouais. Grosso merdo. C'est ça. Ok. Par contre, si j'ai toujours ce même problème, j'en parlais avec toi la semaine dernière hors podcast, mais j'ai un problème avec Facebook, j'ai beaucoup de mal à y aller. Ouais. J'ai un vrai problème de... Je sais pas, ça me... C'est peut-être plus trop intéressant en ce moment. Ouais, mais ça reste quand même la meilleure chose pour communiquer avec notre audience. Tout à fait. Et pour avoir même des retours sur ce qui se passe un peu partout, mais je trouve quand même que, je sais pas, il y a quelque chose... Ouais, je sais pas. Ouais, trop de jaune en ce moment, peut-être. Peut-être que c'est une mauvaise couleur, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Voilà. C'est la couleur normalement de l'été. Peut-être, c'est vrai que mettre des gilets jaunes en hiver, c'est... Bon, ouais. Alors, news. Jingle, vas-y. News. News. Ah. Ouais, je vais écouter à une certaine. Non, bah, pas. Elle était contente. Ah, dis donc. Oui, d'accord. Alors, après une superbe chronique réalisée par mes soins la semaine dernière, j'ai manqué un fait important sur Rival Sun, le groupe que tu peux mettre en aléatoire en soirée pour passer un très bon moment. Tout à fait. Tu te souviens ? On en a parlé. Oui. Ben, tu en as parlé. C'est cela même. Tu n'as pas jeté une oreille ? Mmh. Si ? Oui ? Oui. Non, je confirme ce que tu dis, je n'ai pas jeté une oreille. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Leur prochain album sortira le 25 janvier prochain, c'est-à-dire quasi demain. Il contiendra 11 titres, ce qui est plus que pas assez, et déjà 3 extraits sont dispo, dont le dernier, Feral Roots, dispo depuis hier dans une vidéo Visualizer. Internet, ça va trop vite, je n'ai pas trop compris ce que c'était qu'une vidéo Visualizer. La vidéo en question, c'est une espèce de clip à la première personne en subjectif. T'es dans une forêt, tu trouves une arme. Et après, j'ai arrêté de regarder parce que je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? D'accord. Mais, donc, je ne sais pas si le visualiseur a vraiment un quelconque intérêt ou c'est juste une manière de dire. Mais en tout cas, voilà. Après les lyrics vidéo, les officielles vidéos, les vidéos des vidéos, voilà, il y avait une visualiseur vidéo. Ok. Mais le fait important, que je n'ai pas cité la semaine dernière, c'est que c'est le 25 janvier prochain que sortira le nouvel album de Rival Sun, que je ne manquerai pas d'écouter. Tout à fait. Pour moi. Oui, très bien. D'accord. Pour toi aussi, ami, tu peux écouter. Hein. Ouais, c'est imagine, pas faux. Des fois, tu passes des soirées, des fois. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Et bah, la prochaine que tu passes comme ça, discrètement, tu mets Rival Sun, tu mets aléatoire. Tu cherches. Et t'attends de voir. D'accord. Comme ça. Ok. Voilà, tu verras. Même en mangeant une raclette, il n'y a pas de souci. Tu peux faire ça. Par contre, je pensais à ça, si parcimonier dans le coin... Parce qu'elle aime bien quand ça bouge et tout. Donc ouais. Avec, au pif, essaye, tu verras. Ouais, ok. Voilà. Il y a bien un album qui bouge ? Ouais, mais c'est, ouais, en fait, plus. C'est vraiment plus une espèce d'ensemble que je trouve... D'accord. Voilà. Ok. Tu vois ? Ou essaye un matin au petit-déj. Ouais, plutôt cool, ouais, du coup. Ouais. Ok. Ouais. Fais ça. Tout à fait. News suivante, mon très cher Bob. Merci. C'est moi. Mark Morton, un ami de la famille et accessoirement le guitariste de Lamb of God, sortira son nouvel album solo le 1er mars en 2019, intitulé excusez-moi. Ah bah oui, ça 1, 2, 12, anesthétique. J'avais dit de faire tes exercices avant. C'est ça. Bibabibobu. Et de locution. Bibabibobu. Bibabibobu. Oh la vache. Papa, maman. L'album comprendra de nombreux invités au chant. Miles Kennedy, Jacobi Miles Shadix. Kennedy. De quoi donc que c'est-il qui chante ? Alors vas-y, dis-moi, parce que là, je remets pas. Là. Miles Kennedy, c'est celui qui chante avec Slash. Ouais, d'accord. Miles Kennedy and the Conspirator. Ok. C'est aussi le chanteur d'Alter Bridge. Ah, tout à fait. Voilà. Et il a aussi sorti un album semi-acoustique récemment, The Year of the Tiger. Ok. Voilà. Merci. Bah de rien. Pour ce supplément d'information. Bon, je vais le faire sur le suivant aussi, je pense. Tout à fait. Comment s'appelle ce style ? De qui, quoi ? Bah, le suivant. Ah, le suivant. Jacoby Shaddix ? Oui. Ouais. C'est le chanteur. Vas-y, dis. De Papa Roach. Ah, bah tout à fait. Ouais. Voilà. Qui, à la base, il s'appelait Kobe Dick. Ah, bah c'est pour ça. Qu'il a changé son nom en Jacoby Shaddix, parce que Kobe Dick, c'était pas terrible. Bah, c'est vrai, ouais. Voilà. En même temps, c'est un... Un double sens. Moby Dick. Mick. Rand Blitz. Oui, ah, il manque un Y. Ah bon. Oui, d'accord. Randy Blitz. Le mec me juge. Oh, tout à fait. Alyssa White, Gleuze. Alicia White. Tout à fait. Chanteuse. Ouais, chanteuse. De. Vas-y, mais t'es un puits de science, alors vas-y. Ça. Arch Enemy. Ouais. Non, mais c'est pas ma cam, ça, moi. Bah, mais moi non plus. J'étais pas né en plus, je crois. C'est valable ça comme excuse ou... Ça marche, ça c'est marche. Totalement non, bah oui. Bah là, super, parfait. Non, bah c'est bien. Je sais plus où j'en suis moi. Et même Chester Bennington avec 3 N. Putain, mais... Putain, c'est quoi ce nom à rallonge? Le pauvre. Et Chester alors? Et Chester Lampwick? Quoi? Non mais... Là... Chester, mais je connais... Linkin Park. Ah mais oui, il est décédé, je te rappelle. Tout à fait. Et donc il apparaît quand même, oui. Voilà. Voilà. À titre posthume. Je suis pute, sinon c'est bizarre. Ouais. Ouais, sinon ça voudrait dire qu'il a encore envie. Voilà, du et coup. Donc. Donc il. Spoiler. Pourquoi pas. Et en tant que musicien, alors Roy Mayorga. Ah bon, voilà. Vas-y. Batteur de Stone Sour, Soulfly. Voilà. Ça t'avais. Voilà. David Ellefson. Bassiste de Megadeth. Voilà. Classique. Ray Luzier. Batteur de cordes. Voilà. Paolo Grogoletto. Grégoletto, pardon. Grogo. Et Alex Bent. Et Alex Bent. De Trivium. Voilà. Bassiste et batteur. Moult autres noms, mais pas... Putain, je suis pas dedans, sérieux. Non. Marc, tu m'as déçu sur ce coup-là. Ouais, non, mais... Et alors, par contre, toi qui es un fan un peu de Lamb of God et de tout ce qu'il y a aux alentours, comme Burn the Priest et tout ça, un peu. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que tu sais s'il a déjà sorti un autre album solo ? Pas du tout. Très bien. Ok. Eh ben, je peux me renseigner si tu veux. Alors, je vais te dire oui, mais tu t'auras oublié, donc... Ouais, complètement. Bah, renseigne-toi. Voilà. C'est du parti. Du coup, est-ce que c'est une news qui te botte ? Après, à écouter. Oui. À écouter. Comme ça, j'ai l'impression de voir encore un autre projet solo avec plein de musiciens et plein de chanteurs invités. Ouais, voilà. Comme il y en a moult, comme voilà, on dit si bien. Après, à écouter, quoi. Ouais, bah après, voir ce que ça peut donner. Comme on sait que c'est Mark Morton, tu pourrais déjà te dire hey, « j'aime bien tout Mark à fait, Morton. Tout à fait. D'ailleurs, c'est lequel, Mark Morton, dans les deux Alors, si de mémoire... C'est celui qui a perdu du poids ou pas C'est possible. D'accord. Je peux pas te dire comme c'est ça. Pas grave. Bon, en déjà tout cas, physiquement. Il y a déjà un extrait disponible hein, si jamais. Ouais. Ouais, je te complètement. Très bien. Pour la prochaine émission, bien sûr. Tu crois? Ça nous laisse le temps en même temps. Et oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Je passe à la news suivante. D'accord. Hé hey Bob, oui tu vas au Knot Fest, toi? D'accord. Alors, je reformule. Ah oui, pardon. Hé, hey, tu vas au Knot Fest, toi? Ouais. Cool. Ouais. T'as réussi à choper une place? Oui. Bah tant mieux. Moi aussi, c'est fou. C'est dingue. Du coup, on se verra peut-être là-bas. Peut-être. Et on verra peut-être même Papa Roach, qui peut-être sortira son nouvel album le 22 janvier. Intitulé Who Do You Trust? Aucun lien avec le groupe français, je pense, d'ailleurs, au passage. 4 extraits pour le moment qui laissent présager du meilleur comme du Who reste. Oui. De quoi? Un groupe français qui s'appelle Who Do You Trust. Ah en même temps, peut-être un groupe français qui s'appelle Who Do You. Peut-être. Et bah, aucun lien avec ces deux groupes français. Ah, d'accord. C'est ça. Non, alors, plus sérieusement, j'ai écouté 2 extraits, 2-3 extraits. Il y a... En fait, ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans Rockhard récemment. Il y avait un édito qui expliquait que le métal était en train de changer, qu'on se reconnaissait plus forcément, enfin, qu'en tout cas, eux se reconnaissaient plus forcément dans ce qu'ils étaient en train de voir. Le fait que, par exemple, maintenant, des groupes comme Alstorm faisait déplacer plus de monde que d'autres groupes de métal un peu plus sérieux, entre parenthèses. Ouais. Et qu'il y a aussi quand même une certaine forme de métal qu'on a un peu de mal à appréhender. Il prenait aussi les exemples de la chronique du dernier album d'Amarante. Et là, avec ces extraits de Papa Roach, ça me fait un peu penser à ça. On est un mélange entre plus vraiment du métal, plus du mainstream, un truc un peu entre deux qui essaye d'aller vers autre chose. Et je me demande si c'est juste un mélange de genres ou si c'est un vrai changement artistique ou autre. Mais en tout cas, c'est particulier à écouter. Je veux dire, sans qu'on aime ou pas Papa Roach, il y a quand même une base métal, enfin, en tout cas, une base rock. Et là, c'est vraiment en train de partir, je trouve. D'accord. Et du coup, c'est un peu à ça que me faisaient penser ces extraits. Du coup, je suis vraiment pas hypé de ouf pour cet album, sans être non plus the fan de Papa Roach et tout ça, mais il y avait des trucs que j'avais pu aimer à une époque, la jeunesse. Et là, pas trop, quoi. Dixit, le vieux. C'est pas très sympa de ramener les choses. Bah, ouais. Je suis pas encore totalement mûr. Alors, à toi. Hey. Oh, transition. Oui, je me permets. The Les Claypool, The Claypool Lennon Delirium, le nouveau projet de Les Claypool, le nouveau un peu ancien, parce qu'il avait un trou excusez-moi, entre midi et deux. Je ne savais pas, c'est déjà un ancien. Ouais, il y a à peu près 2-3 ans, je crois, qu'il avait fait un truc avec, avec le fils Lennon. Ah bah. Donc, voilà, qu'il avait un trou entre midi et deux. C'est dégueulasse, ce que tu racontes, là. Donc, nouveau projet de Les et Sean Lennon, le fils de John, lui-même porte avec Paul et connaissait bien Ringo, sans parler de George, sortira son nouvel album le 22 février et intitulé South of Reality. C'était les Beatles. Ouais. Parce que la Paul, c'est les Beatles. Ah ouais. Bah, ouais. Qui chantait Angie, tout ça. Yeah. Bien ouais. Du coup, as-tu déjà écouté ce projet pas nouveau du tout J'avais écouté, oui, à l'époque. Et t'avais bien aimé kiffer ? C'était très, très Delirium. Ah oui ? Ouais. Y a déjà un extrait à l'occasion, si tu veux. Tu reconnais énormément la patte Claypool. Après, ouais. Sean Lennon, je ne connais pas. Je n'ai pas approfondi le sujet. Hein. Ouais. Je connais Sean Connery. Oui. Et Sean Lennon, non, je n'ai pas trop été... Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas reconnaître sa patte. Ouais, non. Mais Claypool est. Vraiment, on sent que c'est. Mais ça t'a plu quand même ce que t'as écouté ? C'est. Oui, ça m'a plu. D'accord. Mais sans vraiment m'accrocher, on va dire. Ouais, en fait, au milieu d'une playlist, ça passe. Voilà. De là à dire que tu le mettrais dans ta collection énorme de CD de Primus. Tout à fait. Ouais, pour moi, Les Claypool m'a un peu perdu là, depuis un moment. Ça y est, c'est officiel. Bah ouais. Le divorce est prononcé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On a signé les papiers la semaine dernière. Ouais. Du coup, on va faire une semaine sur deux pour... Pour garder Sean. Voilà. Ça va, vous arrivez quand même à... Bah, il le vit mal. Mais normal. Après, je suis un bassiste. Plus adulte que lui, je suis batteur. Propose de. Oh, Bob, tu te souviens ? Eh, dis donc ! Quand je t'avais raconté mes pensées nocturnes ? Oula, non, je veux pas m'en rappeler. Et que tu m'avais dit. Non. Et que tu m'avais dit, ne prononce plus jamais ces mots à personne. Voilà. Et bien ce jour-là, tu m'as fait beaucoup de peine. Oh. Pensées nocturnes, un groupe que j'ai pas forcément aimé, mais qui m'a touché et que j'ai même été voir au fest avec une curiosité assez prononcée. C'est vrai, je m'en souviens, j'y étais en disant quand même, je voudrais voir ce que ça donne en live. C'est particulier, mais voilà. C'est vrai que je me rappelle que tu étais assez prononcé au niveau de ta curiosité. Ah, j'étais prononcé. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, moi je suis un mec comme ça. Moi. Ouais. Donc, ils vont sortir un nouvel album le 1er février, Grand Guignol Orchestra. Ouais, d'accord. Un premier extrait est dispo. Sachant qu'à la fin de ma chronique en saison 2, j'avais terminé par Il n'y a pas un moment dans ma vie où j'aurais envie d'écouter ça. Ça va être compliqué d'écouter ce nouvel opus. Premier extrait déjà dispo, 2 balles dans la tête. Ça annonce déjà la couleur. Balles, B-A-L-S, bien sûr. Alors, j'aimerais aller juste un tout petit peu plus loin en fait pour dire c'est pas négatif quand je dis qu'il n'y a aucun moment dans ma vie pour écouter ça. C'est juste que c'est tellement sombre et noir que c'est compliqué, pour moi en tout cas, comme démarche d'aller écouter ça, même si ça pourrait m'intéresser. Donc, bien sûr que j'essaierai d'aller écouter l'album, mais. De base, j'y vais pas en me disant oh cool, un nouveau pensée nocturne. Je vais passer un bon moment. Mais je suis quand même curieux et intéressé par ce qu'ils vont produire une nouvelle fois. D'accord. Je voulais juste préciser pour le côté... voilà. Ok. C'est ça. Merci de cette précision. De rien. Ça fait du plaisir. C'est comme ça. Jack ? Oui ? Eh ben... Tu vois ? Bon, tu m'as... Oui, j'étais un peu... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'autres festivals, dis-donc. Non, pas tant que ça. Ah oui, d'accord. Bon, c'est aussi un petit moment, mais... Eh ben, voilà. Ah bah... Non, mais... Ah oui, d'accord. Du coup, on oui, peut, tu peux, on tu peut en parler. Tu peux totalement. J'ai... Punkin' Drublic. Oui. Tu connais ? C'est moi qui ai écrit la news, oui. Ah oui, d'accord. Annoncé par Waker Booking, l'Extreme Fest et la Nef pour une première édition en France qui aura lieu le 8 mai 2019 à Angoulême sur le site plein air de la Nef de 14h30 à 23h30. C'est très précis. C'est avec vrai. Au programme, tenez-vous bien. Je me tiens à la table. Que du gros. Ouh. NoFX, oh. Bad Religion, Luckwagon, Anti-Flag, Less Than Jack... The Real Mackenzie, The Linkton, The Dead Krazuki, qui doit être à mon avis un groupe français. Sûrement. Krazuki. Krazuki. The Dead Krazuki. Une affiche comme je les aime. C'est vrai ou pas ? Ah bah tout à fait. Voilà, alors j'écris ces news et même ces réactions. Je suis un génie. J'imagine qu'à mon avis, Punkin' Drublic, forcément, qui fait référence à l'album de NoFX. Sur, bah, t'as l'air d'être beaucoup plus. Oui, sûrement. C'est ce que ça veut dire, Punkin' Drublic ? Oui. C'est parce que tu fais des trucs des fois en drublic. Quand t'es punk, tu les fais en drublic. Mais non, Punkin' Drublic, c'est une contrepréterie. Drunk in Public. Ah oui, je l'avais pas du tout. Non, en fait, c'est un album de NoFX. Ah bah je savais pas. Qui est basé sur l'humour. NoFX, justement, fait plein de blagues comme ça, très politiques. Ils ont fait un album politique, un album humoristique, on va dire, plus j'ai ou moins. J'ai pas trop écouté NoFX. Voilà. Et je m'en excuse auprès d'eux. Non, mais après, il n'y a pas de souci. Non, mais auprès de toi, auprès d'eux, j'ai dit. Non, mais je fais partie de... Ah, de NoFX ? Voilà, tout à fait. Waouh ! Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pas été... Bah ouais ! C'est fou ! Comment t'as pu garder secret aussi longtemps ? Ah bah écoute, je pense qu'à mon avis, comédien. Hein. Oui. Est-ce que t'arriveras à le garder encore longtemps auprès du reste du monde ? Waouh ! Il vient de faire des signes avec sa main, je vous dis, parce que c'est pas très... Bah non, c'est pas très audio... Eh ben... Donc du coup, qu'en penses-tu de cette... Ah bah c'est une belle affiche, et puis je trouve l'initiative plutôt, ma foi, sympathique, fort, mais, ma foi. Bah oui, est-ce que t'as déjà été à Angoulême ? Alors, est-ce que j'ai été à Angoulême ? Peut-être. Du coup, parce je devais que être bourré, si le 8 mai tu fais rien, tu peux y aller. Ouais, en plus c'est férié, dis donc. Bah donc tu vois. Eh bah voilà. 14h30, 23h30. Nickel. Faudrait je peux venir avec des BD ? Pardon ? Je peux venir avec des BD ? Oui, bah, tant qu'à faire. Ouais, cool. Attends, je vais juste quand même, au cas où, regarder. Alors, Angoulême. Tu mets quoi, 14h30, 23h30. C'est large. Ça me fait partir à quelle heure, ça ? Bah, c'est ce que je regarde. Attends, je vais virer. Tu peux me réserver un billet de train, la rigueur, en direct ? Ah ouais, tu veux pas le faire en voiture ? Ouais, Angoulême, c'est pas... Ouais, non, c'est pas si loin. 4h54 ? Ouais, ça le fait, c'est jouable. Ça le fait, c'est jouable. Ouais, nickel. Bah ouais, écoute. C'est marre ? Ouais, ok. Ok, c'est parti. Très bien. Merci. Prochainement, un report de Punkin' Drublic. C'est une contrepréterie. Ouais. Si jamais tu l'avais pas. Ah ouais, Drunk in Public. C'est ça. Hey Zach, bien ouais, mec. C'est un titre d'un album de NoFX. Cool. Ouais. Super. Je le sais parce que t'en fais partie. Ok, on en apprend des choses. Bah, on apprend, c'est amusant. Hein, tout à fait. In Flames va sortir son nouvel album le 1er mars. Le titre, I Mask. Aïe, comme les chevaliers. Ouais. Chevaliers. Deux titres en écoute. Le chanteur Anders déclare blablabla, on a créé notre festival, blablabla, on a beaucoup tourné, blablabla, on s'est lié encore plus à notre public, blablabla, on dédicace l'album à nos fans. Deux titres en écoute, et moi je dis, bah c'est pas sympa, on n'a pas mérité ça. C'est pas sympa de nous dédicacer ce titre. Ah merde, carrément. Ah ouais, franchement. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu pas mal de trucs, ouais, qui... effectivement, oui. Les gens ont pas trop kiffé. Ouais. Non, bah c'est pas... Enfin... En vrai, il y en a un, il passe, mais il faut aller aux trois quarts du morceau et tu dis « Ah ouais, là, c'est sympa, ce passage. » Ça fait un peu... Voilà. En fait, moi, ce qui m'a vraiment, en plus... Alors déjà, qu'il dédicace à ses fans, je trouve ça très bien. C'est juste que l'album, il est produit et mixé par celui qui a fait déjà le dernier, qui était complètement raté au niveau de la prod, justement. qui était, en fait, tu perdais tout le côté énergique et tout d'une flemme que bah moi j'aime bien. Donc là, bah, ça me fait pas envie, quoi. Et les deux titres que j'ai écoutés me donnent pas envie non plus. Donc, Ils vont perdre du public alors. Peut-être pas. Il y a des gens qui, s'ils ont beaucoup tourné, c'est qu'il y avait du monde. Donc, ouais. Après, c'est pareil. Tu sais, t'as des groupes, ils peuvent tourner beaucoup parce qu'ils ont une bonne fanbase et que même l'échec d'un album ou deux peut ne pas se voir, quoi, au niveau des concerts. Parce que je suis sûr que les nouveaux morceaux passent très bien en concert. Ah, mais justement, la fanbase peut finir glaciale. C'est vrai ce que tu dis. En tout cas, voilà, je ne suis pas hypé, je l'écouterai sûrement, mais sans conviction. Je t'en prie. J'espère qu'il va passer, celui-là. Qui va passer ? Je pense, une blague bien pourrie que je viens de faire. Ah bon ? La fanbase peut devenir glaciale. Bah pourquoi il passerait pas ? Non, non, mais je te parle de Ace of Base, en fait. Ace of Base. Bah oui. Voilà. Bonsoir. Première annonce pour le festival Beauregard. Ah, c'est une mission faite à deux, mais chacun de son côté. Oh, excusez-moi. Bonsoir. Non, je viens de le dire. Alors, je la refais parce que du coup, on a été un petit peu coupé. Désolé. Là, on a eu un problème technique, on vient de relancer l'enregistrement. Une fan a déboulé dans le studio, hystérique. Je suis fan de ce que vous faites. En plus, je peux réparer les chaudières. Ouh. C'est bien, nous, non. Allez, vas-y. Voilà. Ok. Première annonce pour le festival Beauregard. Qui se déroule à Caen. Je tenais à le préciser. Enfin, Aéroville. À Aéroville. Mais bon. À côté de Caen. Dans le Calvados. Dans le Calvados. Des fois qu'on est des gens qui écoutent. En France. Voilà. En Europe. Monde. Alors, donc, pour ce festival de Beauregard, première annonce, Tear for Fears, Interpol, Mogwai, Ben Harper and les Criminal Innocents. Putain, je le mets en français, il arrive à dire en anglais, le salaud. Supreme NTM, je connais pas, The Blaze, Blaze, Angel et Limp Bizkit. C'est pas moi. Voilà. Petit blanc. Il semblerait donc que je ne sois à nouveau pas présent pour cette édition 2019. Putain. Et en plus, c'est le petit-fils de Nostradamus. Quoi. C'est fou, quoi, ce mec a un sixième sens. Quoi. C'est vrai, hein. Ah, attends, tu pourrais... attends, imagine. Imagine, je dis ça. Ah, ok, vas-y, je ferme les yeux. Ah, imagine, on a des places quand même. Faudrait y aller. C'est quand ? C'est quel mois ? Juillet, je crois. Juillet ? Ouais. Je peux pas. Je travaille, moi. Depuis quand tu bosses en juillet, toi ? Bah, je bosse en juillet. Un peu. Bah, tout le mois de juillet. Ouais, mais pas le samedi. Bah, tout le mois de juillet, du 1 au 3. Du 1 au 3 juillet ? Bah, ah, pardon. Ouais, non, bah, si c'est là. Bah, bon. Écoute, attends. Ah, mais admettons, parce qu'en fait, je pensais à ça. Limp Bizkit, on les a pas vus cette année. Non, mais c'est bon, moi j'ai vu 5 morceaux d'eux, je les ai vus d'assez proches. Bah, voilà, tu l'as pas vu à Beauregard. Écoute, si on arrive à avoir des places, je dirais. Je peux pas. Très bien. Je le prends comme un oui. C'est ça, tout à fait. The Raven Edge, un groupe que j'aimais bien avec leur premier chanteur et qui ne m'intéresse plus trop maintenant. Dis-moi pourquoi. Parce que j'aime pas le nouveau chanteur, tout simplement. Ah merde. Va sortir son nouvel album, à savoir le deuxième, le 8 mars, intitulé Conspiracy. The Raven Edge, c'est le fils de. Ouais, je vois bien, ouais. Du Rain Maiden. 12 titres au programme, déjà 2 extraits dispo, rien de bien encourageant, mais bon. Je l'écouterai par professionnalisme professionnel et c'est tout. Okay. Ouais, non, le premier extrait avait été balancé dès qu'ils ont eu leur nouveau chanteur. Et je l'avais écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pour essayer de voir. En fait, j'ai l'impression que le groupe était, pour moi, il avait une identité avec l'ancien chanteur. Ouais. Et je ne retrouve pas du tout cette identité avec le nouveau, à tel point que je n'avais pas été les voir au fest à cause de ça. Ouais. Et j'avais vu quelqu'un qui avait... j'avais lu une chronique ou un retour de quelqu'un qui avait été les voir justement et qui avait pas du tout été emballé non plus parce qu'il avait vu alors qu'il aimait bien le groupe à la base. Ah merde. Ouais, ben bah, je sais pas. Après, c'est une question de... Oh, bah, ça le fait ou pas, hein, après. Il y a ouais, des mais... jours avec, il y a des jours sans. Hein. Ouais, mais j'ai... en fait, c'est comme si t'avais deux trucs qui allaient bien ensemble et là... le... Enfin, pour moi, ça match plus, quoi. Ça match plus de ce... Voilà. Bon, bah, écoute... C'est comme ça. Je t'en prie. Voilà, bah tu m'as cassé mon truc. Là. Je suis désolé. Ah la vache, ça, ça a plombé l'ambiance. Bah, mon Dieu. Tiens, une news, par exemple. Je vais t'ouvrir une autre bière. L'affiche du motocultor. Ah, tu l'as. Bah, écoute. Auguste 15, 16, 17, 18, 2019, à Saint-Nolf, avec deux F. Non, d'accord, mais c'est quoi ta news, au fait? Ah, il y a des nouveaux noms. Bah ouais, il y a des nouveaux noms. Tu dis rien aussi. Alors, je vais citer quelques noms déjà sur la plus grosse partie, on va dire. Parce oui. qu'il y en a quand même un joli petit paquet. C'est vrai ce que hein? tu dis. Excalibur, The Celtic Rock Opera. Ah oui. Ed Breed. Mm-hmm. Yeah. C'est Avatar. Bien, yeah. Oh. Eluvetti. Oh. At the Gate. Mmh. Alan Stivell. Oui. Vatain. Non. Napalm Death. Ouh. Hypocrisy, Death Angel, Sacred Reich, Henri Deus et le grand gamin. On l'avait déjà dit. Corvus Corax, oui. Decapitated, Soilwork, Ange. Mais je... Voilà. Alors attends, parce que... à bord. Explique aux gens. Qu'est-ce que t'as avec Ange? Parce qu'en fait, tu parce m'as envoyé un message. Parce que je suis vachement étonné de voir Ange au Motocultor, tout simplement. Plus que Henri Deus? Henri Deus, ça m'étonne pas, parce que Henri Deus, c'est déconnant. D'accord, mais Ange, c'est assez psyché, c'est vachement délirium comme truc. Quoi. Si tu connais un peu Ange des années 70, c'est. Tu veux me dire que c'est. Par plus, les fils de Mandrin, plus... tout ça. C'est... C'est plus surprenant que Anahal Natrak. Alors, je ne connais pas. Moi non plus, non. Je... petit fait intéressant, il y a The Night Flight Orchestra, qui est l'autre projet de deux membres de Soilwork. Ah ben voilà! Et tu as aussi Soilwork. Eh ben voilà. Tu vois. Et eh ben voilà. Il y a un autre nom qui est intéressant dans les nouveaux noms sortis, enfin pour nous, tout ah le oui, moins. Anahal Natrak, je savais pas. Mais si, on l'avait déjà dit en plus. Oui, bah oui. Non. Quel est l'autre nom intéressant dans cette affiche qui nous a fait tilt tous les deux? C'était pas au-dessus. Il y a au-dessus? Ouais. Non, c'était pas au-dessus. Non, bah surtout toi, au-dessus, tu t'en fous. Get the shot. Il y a au-dessus, je vois pas au-dessus, moi. Bah si, il est en dessous. C'est vrai en plus. Bah si, regarde au-dessus, il est juste au-dessus justement de Oax Crown. Ah oui. Au-dessus, moi j'ai été les voir, toi t'avais pas été les voir. Ah, c'était pas Get the Shot? Si, c'est Get the Shot. Ouais, ouais, voilà. Voilà, Get the Shot. On y arrive. Merci, voilà. Très bien. Alors. Ça c'est franchement dans tous les noms, moi c'est celui-là qui pourrait me décider à y aller. D'accord, mais tu vas pas y aller. Il y a peu de chance. Hein, ça, c'est la pire. Parce que tu es... En vacances à cette... C'est pas dispo. Je suis toujours en vacances à ce moment-là. Voilà, souvent. C'est ça. Après, je dis pas. Après, c'est 4 jours. J'arriverai jamais à m'absenter 4 jours, non. Là, ça va être chaud. Hein. Je vais chez lui. je vais voir Bob. 4 jours. Je reviens. Après, non, je pourrais peut-être m'absenter. Il est loin. Hein. Il est à Saint-Nolf. Après, ouais, c'est jouable en même temps. C'est jouable. Je vais boire une bière chez Bob. Non, après, imagine. Soilwork, The Night Flight Orchestra, Get the Shot, Avatar, Ed Breed, At the Gate, tombe le même jour. Là, je m'absente une journée. C'est jouable. Là, du coup, oui. Si, je suis dans le coin, parce que c'est vrai que... Bon, voilà. Et toi, alors, cette affiche? Oui, à la rigueur, au pire, tu pars en vacances. Et, bah, je vais faire 2-3 courses au Super U du coin. Je vais aller faire des photos de paysages. Voilà. Ouais, je reviens. Tu me croiras jamais. Je me suis perdu. Et qui c'est-il que j'ai pas rencontré? Dit Bob. Bob. Et parcimonie. Les deux. Ah bah. Du coup, on a été boire une bière. Une bière, on entrait dans une autre. Voilà. Un festival, nous tombons sur le coin de la nuit. Ben, je ne peux pas rentrer. Je vais rester demain. J'arrive à demain parce qu'il y a les gilets jaunes qui bloquent tout. Voilà. Eh, ça se tente, hein. Ça se tente. Je vais le tenter demain à la maison, on sait jamais. Prévision. Ouais, mais je pense qu'il faut mieux jouer l'effet de surprise. Ah bon? Ouais, le faire directement sur place. Ah, bah d'accord. Ouais, ça va être plus simple. Ok. Et toi, alors, cette affiche? Bah, moi, ouais, carrément. Mais c'est comme l'année dernière, c'est pareil. Ouais. Et comme plein d'années, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller au Motocultor, mais là, du coup, ouais, pourquoi pas? Ah ouais, franchement, ouais, là, je serais assez tenté. Ouais. Très bien, très bien. Faire une première au Motocultor, putain, depuis le temps que j'ai envie. Bah, tu m'étonnes, je peux comprendre. Ouais. C'était la fin des news, alors bien sûr, je tiens oh. à... Oui, oh, tristesse. Je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup d'autres news qui sont sorties, mais qu'on a fait en fonction de, bah, de ce qu'on avait envie, surtout moi. Et du oui, coup... surtout toi. Hé, hey, je t'entends, hein. Que j'ai un casque. C'est pas possible. Si, j'ai un casque. Ouais. Et s'il y a des groupes ou des styles qu'on laisse de côté, c'est soit parce qu'on j'estime qu'ils n'ont rien à faire là, parce qu'on essaie de faire quelque chose d'assez correct, qu'on écoute ce qui passe au Hellfest et la globalité du podcast. Mais nous, on reste ouvert à tout. Donc, si jamais il y a des styles ou des choses que vous voulez qu'on traite, on peut le faire. Il suffit juste de communiquer avec nous. Faites-nous un retour. Voilà. Voilà. Sinon, on continue comme on fait. On va passer aux news. Je pense que ça va être la meilleure solution. Mais c'est ce que je compte faire. Hein. On passe aux news Hellfest qui sont au nombre de 2 cette semaine. Je te laisse faire la première. Il est toujours possible d'acheter son billet pour le Knockfest. Je répète, il est toujours possible d'acheter son billet pour le Knockfest. Et oui, car fait étonnant, les 40 000 billets n'ont pas, toujours pas trouvé acquéreur. Voilà. Qu'en penses-tu, toi ? Je trouve ça mi-figue, mi-pruneau. Est-ce que tu... Dans un sens, ça me fait chier, quoi. Est-ce que tu penses pas que c'est quand même un espèce d'indicateur de, voilà, de la, d'une certaine tendance de ce qu'on essayait un peu de débattre la semaine dernière, que ouais. Bah, ça fait un peu un effet de pétard mouillé, quoi. De... Franchement, 40 000 places, c'est beaucoup, mais en même temps, ça aurait dû partir direct, quoi. Donc... Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui reste, vraiment. Ça se trouve, il reste 39 666 places. Tu ne crois pas qu'ils auraient annoncé un 75% déjà fait et tout ? Peut-être, ouais, je pense, ouais. Je suis... Ouais, bah après, écoute, ça fera plus de places devant les main stage. Je me demande à partir de combien c'est un échec. Financier, j'entends. Alors là... Je pense que les... Sachant qu'ils utilisent le site du Hellfest qui est déjà, on va dire, monté pour les 3 jours... Ça doit être vraiment moindre. Ouais. Ouais. Niveau technique je pense, tout le tralala, ouais, forcément. C'est plus après au niveau peut-être du prix des groupes et tout ça. Peut-être. D'ailleurs, pour en revenir au Knotfest, on va revenir sur les groupes. On aurait potentiellement dû faire déjà Amarante cette semaine. On le fera sûrement pour la rentrée. Donc, ça sera un groupe par émission, pas plus, histoire que ça dure un petit peu. Voilà. On peut juste vous dire qu'on a commencé à écouter Amarante et que... On va souffrir. Clairement, ouais. Voilà. C'est pas... C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, non. Et que ça rejoint vraiment un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté ça a changé, le métal. Ouais, c'est vrai. Oh putain, oui. C'est... Ouais. Enfin, le titre que j'ai écouté. Ouais. C'est celui que je mettrai en clip, je le mettrai sur notre page. Oui, d'accord. En fait, parce que... Ah, moi, j'approuve. Totalement. Avec un commentaire avec « C'est fou, il n'y a rien qui va ». Voilà, c'est ce que je mettrai. Ouais. Parce que vraiment, c'est comme ça que je l'ai regardé. J'ai dit, putain, mais que ça soit de la gestuelle, du jeu, de la musique, il n'y a rien qui tout, va. Tout, tout, ouais, c'est... Voilà, voilà. Ouais, c'est... J'espère que c'est pas j'espère que c'est pas l'avenir. Bah, j'espère aussi, ouais. Mais bon, peut-être après que sur scène, c'est bien. Enfin, on verra. Ne spoilons pas 2019. Oui, oui. On a d'autres groupes qui sont intéressants, mais c'est vrai que sur l'affiche, c'est peut-être celui qui fait le plus un peu... Bizarre. Ouais, ouais. Bref. Ouais. Autre news, celle-là beaucoup plus intéressante. Elle est arrivée hier, je crois. Avant-hier. Avant-hier dimanche. Ouais. Moi, j'ai vu ça avec hier, en fait. Après, c'est vrai que ton message m'a un peu mis sur la voie. Ouais. Donc, les annonces des groupes des warm-ups sont connues maintenant. Voilà. Quasiment toutes. Donc, à savoir que pour les villes de Vannes, Brest, Caen, Lille, Paris, Lyon, Romans-sur-Isère, Nîmes, Bordeaux, La Rochelle, Limoges et Tours, ce sera donc Dagoba, groupe de death metal mélodique en show spécial Hellfest, et Princesse Leia, comédie-concert, spectacle spécial Hellfest également, qui comprend Dedo et Antoine Chumsky, tous deux comédiens de la comédie. Certains sont issus du Jamel Comedy Club, d'autres de... On ne demande qu'à en rire. Et aussi Golden Moustache. Bref. Et bien sûr, chaque soir, pour accompagner ces deux concerts, un groupe local, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes si j'en dis. Non, c'était noté, ouais. À savoir que pour Strasbourg, il y a Black Bombay qui avait déjà été, qui avait un peu fuité, qui avait été annoncé. Donc ça n'a pas changé. Black Bombay est toujours sur Strasbourg. Et que le 30 avril, donc c'est la dernière date du warm-up, ça se passera au Zénith de Nantes. Et je me souviens la semaine dernière avoir dit, dis donc, le Zénith, quand même, c'est grand. C'est pas faux. Et du coup, pour ce concert spécial appelé La Nuit de l'Enfer, il y aura Dagoba, Princesse Leia et trois groupes supplémentaires qui seront annoncés le 28 janvier 2019. Donc là, bien sûr, tout est un peu possible sur les groupes qui peuvent venir. Oui. Est-ce qu'on peut être dans la continuité encore des shows Hellfest ou pas? Ça pourrait très bien être Ultra Vomit qui se pointe. Ça pourrait être Amas Hysteria. Ça pourrait être même des groupes moins français. Il pourrait y avoir Redemption qui revient. Enfin voilà, tout est un peu ouvert. Peut-être que dans les trois groupes, il y a aussi Black Bombay qui revient. Autre fait intéressant, je sais que Bob et Parcimony ont déjà leur billet pour Caen. Yes. Parce qu'il m'a envoyé qu'un message. Je lui pose 14 questions dans un message, il me répond « On a nos billets pour le warm-up ». Je dis « Ok, c'est cool, voilà. Très bien. » Merci de ta réponse. C'est 26€, c'est ça tu... Ouais, c'est ça. Ouais. 26€ pour Caen. C'est 27,80€ pour la nuit à Nantes. C'est pas beaucoup plus cher. C'est 22 pour Paris. Et 20 pour Vannes. Donc quand même, quand ils se mettent bien. C'est clair. Voilà, ils se mettent plutôt pas mal. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à prendre... Est-ce que de base, tu voulais le prendre? Oui. Déjà, de base, oui. Donc, est-ce que la mise en... c'est la mise en vente qui t'a décidé ou... J'ai vu un post d'une certaine personne sur une certaine page Facebook comme quoi les billets pour Caen étaient déjà... était déjà dispo, donc j'ai été acheté vite fait un yeux, et puis j'ai vu qu'ils étaient dispo, donc j'ai pas hésité une seconde à le prendre, tout simplement. Est-ce que t'avais vu les groupes quand même ou pas? Ah oui, j'avais vu les groupes avant, ouais. Ça te... Ça m'a aussi un peu décidé, ouais. Et ça te plaît comme affiche? Oui. Ouais, oui, pourquoi pas. Ouais. Après, voilà, il y a pas que ça, quoi. Il y a aussi toute l'ambiance et tout ce qui va avec, quoi, donc... Voilà, puis c'est sur Caen, c'est pas très à 50 loin. Bornes d'ici, donc on n'est pas loin. C'est vrai. Moi, j'ai vu un truc fuiter aussi vite fait sur une page normande, peut-être Explicit Silence pour leurs 20 ans, pour Caen. Donc je dirais pourquoi pas. D'accord. Voilà. Eh ben ouais, écoute. Après, rien d'officiel, je pense, mais ouais, pourquoi pas Explicit Silence. Ah, ouais. Attends, d'accord. Mm-hmm. Là, par exemple, j'avais pas vu ça, je suis tombé sur une page sur le site du Hellfest, en fait, qui parle du warm-up, qui est dit que en local guest et spécial guest, chaque soir, nous inviterons des groupes locaux à partager l'affiche avec nous, mais également certaines pépites viendront se greffer à notre plateau, comme Black Bombay, Hangman Chair et Not Scientist. Ou les grands gagnants du tremplin Hellfest Voice of Hell 2018 Redemption. D'accord. Voilà. Donc bien sûr, lors de... Donc peut-être ce Explicit Silence, c'est ça que tu m'as dit? Je ne sais pas, j'ai vu ça, mais après, pourquoi pas. Mais je pense que ce n'est pas officiel, mais voilà. Donc on le rappelle, le principe du warm-up, c'est 14 dates pour 14 soirées. En gros, c'est si tu ne vas pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi. Tout à fait. Donc une tournée donc de 14 jours mais alors d'affilée, donc tu vois, ça c'est pas mal, faut les tenir quand même. C'est ça. Donc deux concerts, ça on l'a déjà dit, enfin trois concerts avec le local guest ou les special guests, un grand concours de air guitare où on peut gagner un pass 3 jours, un photobooth interactif, des projections vidéo sur le Hellfest inédites apparemment, la résultat exposition What the Hell, donc 14 portraits gagnants du shooting What the Hell organisé le 27 mai dernier au château de Duc de Bretagne à Nantes. Donc les gagnants seront invités au Zénith pour découvrir l'exposition et venir récupérer leur passe 3 jours. Des surprises, du merch exclusif. L'année dernière, on se souvient des gobelets qu'on avait vus qui étaient très sympas. Tu peux aussi bien sûr te permettre de ces événements pour rencontrer l'équipe. Donc voilà, c'est des soirées toujours en plus afin de soit préparer le Hellfest, enfin de commencer à être dedans. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas y aller, juste passer une soirée sympa. Donc, je voulais faire le malin et prendre mes places en direct, mais j'y arrive pas. Donc, je les prendrai plus tard, comme on dit. Il n'y a pas un truc aussi avec le Air Guitar, justement, qui seront... Il y a des gagnants des concours Air Guitar qui vont être invités au Hellfest au mois de juin pour... J'ai vu un truc vite fait comme ça. Écoute, je ne peux pas te dire, je retourne sur le principe. On redira ça, mais alors, je crois qu'il y a... Animé, banana, chaque soir nous proposons deux vagues de compétition, 2x10 candidats, les gagnants repartiront à Campas 3 jours, les inscriptions se font première et pour inscrire, tous les gagnants seront conviés à participer à la grande finale de Air Guitar qui aura lieu au Hellfest sur la Hellstage du jeudi 20 juin 2019. C'est d'accord. Ça. Ah oui, d'accord, le grand gagnant sera sacré champion et sera récompensé par un pass 3 jours 2020. Hey. Merci Bob pour ce travail d'investigation. C'est peut-être en 3 saisons la vraie première news que tu nous sors, mais elle est très très bien. Ah bah écoute, je te remercie. Ah mais quand je m'y mets moi. Ah mais c'est fou. Je suis pas le mec que je rigole. Moi. Mais j'étais pas prêt. Hein. Moi ça. Allez m'a... tiens pour ça à allez, la tienne. Très grand. Ah. Bah écoute. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui écoutent et qui seront pas très loin de Caen ce soir-là, on pourra faire une dédicace devant. Bah voilà, on sera sous le chêne. S'il y a un chêne devant le chêne. S'il y a un chêne. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu moi sur un des groupes de Head Charger qui leur demandait s'ils seront présents pour la soirée de Caen. C'est vrai que ce ne serait pas déconnant en tant que ouais. Local groupe. Aussi, ouais. Voilà, ça pourrait. Ouais. Donc voilà, c'était les deux news. J'ai quand même donné mon avis. Alors vas-y, donne ton avis. Je suis plutôt content. Je trouve que ce soit Dagoba ou Princesse Leia, ça fait deux trucs bien différents et qui peuvent permettre de passer une soirée bien sympa dans deux styles complètement what the fuck mais qui voilà, je pense que ça peut bien matcher. Alors c'est vrai que quelque part j'aurais dit que Ultra Vomit était parfait pour les warm-up, ouais. Mais bon, c'était l'année dernière, donc nouvelle année, nouveau truc, je trouve ça normal. Donc non, ça me paraît bien. Je trouve ça plus sympa que ça soit un vrai groupe un peu comme Dagoba que le groupe de reprise de Pantera de l'année dernière, sans vouloir du tout cracher sur bien sûr. Ce groupe, mais je trouve ça plus intéressant. En plus, ça va leur permettre de faire... je suis plus intéressé de savoir ce qu'ils appellent le show spécial Hellfest. Ouais. Voilà. Non, mais bon. Donc moi, je suis hyper motivé et partant pour y aller. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille aussi à la Nuit de l'Enfer à Nantes ? Pourquoi pas ? Je veux dire, tant qu'à faire. Le 30 avril ? Ouais, un zénith. Bah, pourquoi pas ? Un zénith ? Ouais. Alors déjà, c'est quand en fait ? Parce qu'on rigole, mais parce que... Le 30 avril, c'est un quel jour ? Si ça tombe en semaine. Alors, le 30 avril. Là, l'avantage, c'est que quand ça tombe un vendredi, donc on est vraiment bien. Le 30 avril, c'est un mardi. C'est gagné. Oh, bah c'est bien, c'est en week-end. C'est gagné. C'est gagné. Écoute. Moi, je dis, c'est signé. Mercredi, jour des enfants, parfait. Bah voilà. Hein, nickel. Qu'est-ce que c'est le. C'est quoi ? C'est Nantes, c'est à côté. Bah, c'est rien. On y va. En vélo ? On y va, ouais, je veux dire, à une électrique. Voiture. À une voiture. Ah bah oui, tant qu'à faire. C'est... Ouais. Voilà. bon, du coup, après toutes ces news et ces 47 minutes de podcast, pourquoi ne pas s'en aurions-nous pas ? Après, à chaque fois, c'est marrant. Hein. C'est pas évident. Ouais, ouais. Aux chroniques... Tu changes de formule, je pense. Bah, après, 3,47 d'heures, minutes... Non, c'est pire. Ah, ok, non, je recommence. Ouais. Je prends une petite gorgée parce que je suis tout délayé de la bouche. C'est ça. Yeah, mais dis donc. Un petit brassin de Noël. Ah bah, après ce déluge de news et ces premières 50 minutes de podcast, que penserais-tu de passer enfin à la rubrique préférée des auditeurs, à savoir les chroniques ? Ouais, pas mal, c'est mieux. Ah, j'ai tout donné. Ah, non, mais c'est bien. Là, je t'en prie, commence. Rebois un coup. Ah là là là là. Ah bah attends, du coup, je sors mon MacBook. Parmi tes groupes, as-tu écouté des trucs sympas ? Parmi mes groupes, alors oui, surprenant. Moi, je suis sûr que le pire groupe n'est pas celui que je pense. Non, je ne pense pas non plus. Je t'en prie. Ah, commence. Bah tiens, dis-moi. Oui. Est-ce que tu sais ce qui se passe le 31 juillet ? De quelle année ? Le 31 juillet. Est-ce que tu sais ce qui se passe le 31 juillet ? Non. Non. Non ? Non. Ce serait pas le 41e jour de l'été ? Peut-être. Somme 41. Attends. Tu commences direct par celui-là? Bah, bien sûr. Oh, mais... bah, c'est celui que j'ai noté. Je commence par le premier que j'ai noté. Oh, c'était tellement... mais je suis bête et discipliné. C'était moi. Tellement mon petit bonbon, mon petit after-eat avec tu, le café. Tu veux que je commence par autre chose? Ah, attends, ça dépend. Est-ce qu'il y a... Est-ce que ça va aller crescendo ou pas? Bah, c'est ça que ah non, veux... mais il n'y a rien de... Non, non, c'est comme d'habitude. Je vais faire de la merde. Putain. Et merde, ça c'était... J'avais hyper peur de ça. Et bah, voilà, t'avais peur de ça? Ah ouais. je vais me barrer. Allez, je me casse. Allez, c'est bon. Bonne soirée, on vous aime. On vous emmerde. On l'avait pas encore fait, donc du coup, on peut le faire. Ah putain, eh ben vas-y, crache là ta valda de merde. Allez, putain. T'es déçu par quoi? Vas-y, dis-moi. Tu veux qu'on en parle? Non, attends, bah, écoute, attends, je vais te laisser parler. Et selon, je te dirai par quoi je suis déçu. Non, parce que Jack est fan de Sub 41. Alors, il écoute ça dans sa bagnole à fond, en remuant la tête. Regarde, toi, je ne contredirai même pas tes propos. Headbanger du skate. Je ne renierai aucun des propos que tu pourras apporter à mon encontre. Tu sais pourquoi? Parce que notre amitié, elle est au-delà de ça, mec. Eh, putain, c'est beau, qu'est-ce que tu dis, là? Bon, bah alors, Sum 41. Qui est un groupe de punk, de pop-punk. J'insiste bien sur le pop-punk. Bah, ça sonne bien, je trouve. Canadien. Ah. Ils sont canadiens. C'est vrai. Originaire de Saint-Marc. De... Pardon. D'Ajax. C'est une blague officielle? Non. Ah, parce que... Référence à Deadpool. Dans l'Ontario, monsieur. Oui. Et tu sais... Non. Eh ben moi non plus. Ah bah tu vois. C'est quand ils sont formés en 96. Mais bien sûr. Punaise, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais dis donc. Mais oui. Voilà, c'est tout. Le groupe se caractérise par un style trempé dans le heavy metal sur plusieurs chansons, notamment sur l'album Screaming Bloody Murder, Chuck et Doors. Dislock Inflicted. C'est vrai. T'es d'accord? Ah mais totalement. Ok. Parce que j'ai écouté, j'ai pas vu le côté heavy metal, moi. Donc, ils se sont formés le 31 juillet 96. Ouais. Voilà. Bah, du coup, donc, oui. Le 41e jour de l'été, d'où le nom Sum 41. Bien trouvé. Écoute, je sais pas si je dirais ça, mais... Bon, non, mais si on se dit, ouais, on est le 40... Enfin, ça veut dire, c'est pas non plus au pif, quoi. Ouais. Tu vois. Est-ce que Halloween se sont formés aussi le 31 octobre? Sûrement. Qui sait? Ça serait cohérent. Ouais, pareil. Donc, c'est de là que vient leur nom. Comment et ils sortent pas moins de 7. Comment ça se fait que ça fait du bruit alors que c'est coupé? Parce qu'il y a de l'eau qui est tirée. D'accord, très bien. Habituellement, non. Ah, c'est pour ça. Parce que c'est désert. Il n'y a personne. Mais la maison est vide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un chez toi, un intrus encore? Qui se boit un verre d'eau. Ah, peut-être. Écoute, ou qui se douche, peut-être. Eh ben, j'espère que... Voilà. Un SD, peut-être, qui se douche. Peut-être. Bah, écoute. Non, mais je t'en prie, reprends. Voilà, reprends. Voilà. Donc, ils ont quand même 7 albums studio. Albums. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Plus de 20 ans de carrière, en même temps, c'est un peu normal qu'il y ait un bon nombre d'albums. C'est pas faux. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'en dirais de Sum 41? Les premiers albums, je les trouve très pop-punk. Ouais. Hein, vraiment. Hein, c'est vraiment tout ce qu'on peut s'attendre de l'image Sum 41. Quand on dit Sum 41, on pense forcément à ça. Hein, ouais. De la pop-punk. J'ai écouté le dernier album qui, à ma surprise, n'a plus trop grand-chose à voir avec de la pop-punk. Même limite, plus grand-chose à voir avec du punk limite à roulette. Bon, moi je trouve qu'il y a un petit peu plus d'un côté mainstream dans leur, morceaux, qui sont plus à la limite d'un petit métal, tu vois. Ah ouais? Plus que d'un punk. Bon, il y a quelques morceaux Je suis pas sûr de l'avoir écouté, moi, le dernier. Il date de 2016. J'ai pas le nom, comme ça. Ah, je vais checker en direct. Mais voilà, j'ai pas tout écouté. Ah oui, Voices. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. J'ai pas écouté toute leur discographie, mais après, je suis pas un fan de la voix, déjà, de base. De base, ouais. Je trouve qu'elle manque un peu de corps, je pense. Ouais, un peu, ouais. Clairement. Te connaissant, ouais. Ouais. Musicalement, je trouve ça gentillé. Mm-hmm. Ça passe bien dans une playlist. Oui, c'est gentillé. Oui. Voilà. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Bah, t'étais quand même un peu contre à la base. Hein. Ouais, non, mais à réécouter, mais c'était plus l'image du groupe c'est ça, en lui-même. Mais quoi. En fait, je me suis posé cette question, c'est... Ils ont une mauvaise réputation, de base, ouais. Et je sais pas du tout à quoi c'est dû. Parce alors, que... côté mignonné... tu tout... crois ? Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Quand tu regardes leur premier clip, même leur début, tu vois juste un groupe de punk gentil, ouais. Pas du tout méchant. Mais du coup, je vois pas si on peut vraiment leur reprocher ça, en fait. Ou alors, c'est parce que d'un côté, le chanteur, il a été marié à Avril Lavigne, et qu'on se dit, bah voilà, machin... Ah, j'avais oublié ça. Mais en vrai, par exemple, leur clip où ils s'amusent avec leurs jouets et tout ça, ça marche super bien, je trouve. J'ai pas vu les clips, en fait, de... Non, mais c'est... Enfin, c'est... Moi, je comprenais pas trop ce qu'on pouvait leur reprocher. Et je trouve que Chuck est un vrai bon album, moi. Je l'aime vraiment bien, cet album. Ouais. Je trouve qu'ils ont des titres efficaces dans leur style, qui sont pas en train de, justement, de... d'être un voilà, c'est pas the truc de métal ou the truc de punk. Je trouve qu'ils ont des titres efficaces et qui marchent et dans ce style là qui ouais. Me rappelle un peu toutes les vagues de teen movies ou de punk à roulette qui de groupes calés avec ça, de punk californien. Ouais. Ni plus ni moins, je trouve que c'est dans le même style et que c'est efficace. Moi, je dirais que ça passe très bien à la rigueur si j'achète le dernier Tony Hawk's, tu vois. Ouais. Là, il y a pas de problème. Je vais laisser le son. Bah ouais, je veux dire, c'est ou pas... Ou un Destruction Derby ou un truc comme ça, tu vois. Là, il n'y a pas de souci. Ça passe très bien. Mais ils ont une mauvaise réputation quand même. Oui, alors la réputation en elle-même, moi, j'ai un petit peu des échymoses tellement je m'en... Oui, mais tu es d'accord pour connaître que c'est vrai, ils ont... Ah oui, derrière, moi, forcément, s'ils passaient pas au Hellfest, je les aurais pas écoutés. Voilà. Mais j'irais pas dire que Sum 41 c'est de la merde, machin. Enfin, si maintenant j'ai évolué, je suis un grand garçon. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a qu'à voir, regarde, chaque fois que tu regardes Malcolm et qu'il y en a une chanson qui passe, t'es pas en train de te dire, putain, fais chier encore Sum 41. Ça passe, ça match. Ça ah bah, marche. Parce qu'il y, ouais, y a Malcolm avec. Bah oui, mais justement, forcément, mais les deux. Faut quand même. Oui, mais de mon propre chef, je n'irais pas écouter Sum 41 en me disant j'adore, c'est trop bien. Je suis d'accord, mais parce que je suis d'accord. Mais après, je m'en fous. Outre complètement l'image qu'ils avaient à une certaine époque, quand ils sont sortis en 96, de 96 dans les années 2000, moi je m'en fous. Je veux dire, maintenant, tout ça, c'est du passé. Il faut faire table rase du passé. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Et du coup, bah, ça passe, mais je suis pas fan. Je suis d'accord. Et j'irai pas les voir. Tu n'iras pas les voir. Non. Même s'il n'y a rien entre eux en face. Sauf s'il y a Frankie Muniz avec. D'accord. Non, je déconne. Mais non, franchement, il n'y a pas. Même s'il n'y a rien en face, ouais, si je passe par là, par une advertance, peut-être, s'il n'y a vraiment rien, quoi. En vrai, moi, je serais dans le cas contraire où, justement, j'ai écouté un peu le Sum 41, machin. Enfin, différemment de toi, je veux dire. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de les voir, non plus. Parce que j'ai vu quelques lives vite fait sur YouTube et je me suis pas dit, tiens, j'ai envie de les voir ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, ce que je me dis sur live. Sur scène, est-ce qu'ils font plus que ce qu'ils peuvent faire en studio et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à une époque, ouais, mais peut-être plus maintenant. Donc peut-être que je jetterai un œil pour voir ce que ça donne et me dire, j'ai vu Sum 41, ok. Tu vois, mais sans moi, plus que ça. Je le trouve assez gentil, le dernier album aussi. Hein. Même s'il a un côté plus... métal et moins punk à roulette et pop-punk, ils ont pu faire comme on les a connus en fait. Sum 41 faire de la pop-punk, c'est leur image qu'ils ont de base et ça va leur coller toute leur vie à leur peau, même s'ils changent de style de musique. Sum 41 ça restera de la pop-punk pour tout le monde, sauf les gros fans, j'imagine. Est-ce que vraiment le dernier album, j'ai pas écouté l'avant-dernier donc je ne sais pas si vraiment la transition a été faite avant ou après, je ne sais pas. Mais est-ce que leur image peut se décoller légèrement de leur peau et qu'ils deviennent un groupe vraiment reconnu? Je suis pas sûr qu'ils aient non plus envie ou besoin en même temps. Bah, je pense qu'en plus de 20 ans de carrière, non, ils n'ont plus besoin. Le fait est qu'ils sont encore toujours là et que c'est... Oui, Voilà. Alors ça, par contre, je suis assez d'accord. Ils sont encore là, c'est qu'ils ont un public, c'est qu'ils voilà, ils sont suivis. Et puis, ils ne sont pas non plus en bas de la liste de Hellfest. Ils sont un peu bien placés. Ouais, quasiment en tête d'affiche. Ouais. Donc, c'est qu'ils sont attendus. Ouais, donc, c'est assez étrange. Mais après, bah, voilà. Moi, je ne trouve pas ça étrange. Je suis... Enfin, je dirais pas... Bah, moi, tu pouvais peut-être pas les mettre plus bas. Hein. Non, forcément. Donc voilà, c'est pas... t'as pas une idée de ce qu'ils ont, combien ils ont vendu d'albums par hasard. Pff, non. Ça pourrait nous donner un indice. Ouais, ouais, ouais, mais non. Très bien. Aucune idée. Autre chose à ajouter sur ce groupe ? Non. D'accord. Est-ce si, ils passent en Warzone. Ah oui, ils passent en Warzone, alors... c'est vrai. Putain, ça, j'ai pas du tout. Et noté, c'est leur premier groupes. Passage au Hellfest. Ouais. Si une question. Ah bah, du coup, j'avais oublié de noter, moi, pour mes groupes qui passent. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, ça va plus me revenir. Bah, je vais pas pouvoir te dire. Bah non, là, du coup, vu que c'est toi que tu voulais me le dire et que. Ouais. Je préfère éviter de rentrer dans ta tête. Parce que non, bah, je. Je pense qu'il y aura baston. Je pense qu'il y a déjà. Bah, il y a déjà baston dans ta tête baston, en ouais. permanence, donc. D'accord, très bien. Eh ben, c'est parfait. D'accord, ben voilà, ouais, après, ouais. Je... Eh ben oui. Alors, je vais commencer, moi... J'adore nos transitions, je trouve que... C'est les meilleurs. Il y a du... Bam, bam, bam. Ouais, c'est alors, ça. Y a... je vais commencer par Cult Leader. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas du tout où il passe. Qu'est-ce que c'est ? Jamais écouté, voilà, jamais vu ce groupe de merde. Je connais Cult Leader, c'est tout. Alors, attendez, excusez-moi, bon, hé, hey, oh, c'est le direct, c'est le direct. Ouais, en léger différé. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Mais on peut écouter où ça ce soir ? Bah, ce soir, tu peux pas, j'ai dit. C'est à ton demain. Vous êtes pas en direct ? Eh, hey, oh. Tu te rends pas compte déjà de ce qu'on fait. C'était alors... monsieur Jacqueline, non ? Eh, François, tu te calmes. Hein ? François, tu te calmes, je fais ce que je peux. Putain, voilà. Je vais jamais retrouver où est-ce qu'il passe, ces mecs. Ah, je peux pas t'aider. Ah, bah si, c'est bon. Il passe. Alors, déjà. Au Hellfest. Déjà, il passe le vendredi. Déjà. C'est déjà pas mal. Ça me donne un indice. Main stage ? Non. Je dirais Altar ou Temple. Ah, bon. Ah d'accord. Je dirais Altar. Altar ? Comme ça. Enfin, je dirais... Ouais, Altar. Punaise. Il passe Altar le vendredi. Très, très fort, très, très fort. Alors, Cult Leader est un groupe de punk hardcore américain formé en 2013 à Salt Lake City dans l'Utah. Ben ouais, c'est ça. Il a été fondé par 3 membres de Gaza à la suite de la séparation du groupe. Et est-ce que tu sais pourquoi le groupe s'est séparé ? Je pense à un différent monétaire. Pas tout à fait. Un non-rendage de cure-dents. Je pense que c'est arrivé en deuxième. Genre, il y en a un qui n'a pas fermé la porte des chiottes quand il a été pissé. Non, ça c'était, je crois que c'était... Lever la lunette. Non. Ah, je sais pas. Eh ben, en fait, à la base, il y a une sombre histoire de viol. Ah, bah, ah voilà, c'est ça. Ça allait venir après. Désolé. Commis, selon la victime, par le chanteur. Une histoire révélée par les médias sociaux. En fait, c'est la victime a balancé sur les réseaux sociaux qu'elle a été violée par le chanteur de Gaza. Démenti par le groupe et qui s'est réglé en privé. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu. Ça s'est réglé en privé par les deux parties. Coup de batte. Je ne sais pas. Le seul truc qui est ressorti, c'est un message de la victime, encore une fois sur les réseaux sociaux, qui était comme ça. Nous ne retirons pas nos déclarations respectives. Nous décidons au contraire de ne pas en discuter plus avant et d'aller de l'avant. Alors, c'est vraiment une victime, elle est hyper courageuse. Oui. Après, elle a peut-être trouvé un arrangement qui l'arrangeait, justement, mais c'est hyper courageux. Et si elle n'est pas victime, bah, elle a bien joué son coup. Mais je pars du principe qu'elle est plus victime. Voilà. En tout cas, déjà de base, pour balancer ça, il fallait une certaine dose de courage. En même temps, cela nous... Voilà, c'est ça. Non, mais je tiens à préciser parce que maintenant, on se fait bâcher pour le moindre truc qu'on dit sur le viol et tout ça. Donc voilà, je ne veux pas... Ah oui. J'aurais pas qu'on vienne de prendre... Balance ton peur, tout ça. C'est ça. Je ne voudrais pas avoir des soucis en disant « Ah, ils ont dit que le viol, c'était que dalle et que tu n'es pas victime. » Non. Ils ont réglé leurs problèmes entre eux. Moi, ça ne me concerne pas. Nous, on n'est pas au courant de la chose. Je signale juste que c'est à la suite de ça que des prises de tête ont commencé dans le groupe et que le groupe a décidé de dégager le chanteur. Au mois de mars de l'année suivante, le groupe n'a pas réussi à s'en... Enfin, d'un seul coup, eu beaucoup de griefs contre le chanteur en plus. Donc sûrement l'histoire du cure-dent et de la lunette des WC. Ah ben voilà, tu vois. Du coup, ils ont annoncé, donc dégagé le chanteur, annoncé leur séparation. Et quelques mois plus tard, le bassiste, devenu chanteur, le batteur ainsi que le guitariste de base, eux qui n'avaient pas... J'ai marqué eux qui n'avaient violé personne. Et s'entendaient toujours bien, fondèrent Cult Leader ou Chef de la secte. C'est le nom en... Ah oui, tout d'accord. À fait. Une fois reparti de zéro, le groupe a dû se faire... J'aime bien, je prends des pincettes pour expliquer oui, il ne faut pas faire ça, et puis après je rajoute une blague derrière. Je suis vraiment un connard. Alors, une fois reparti de zéro, je confirme. Le groupe a dû se faire à nouveau une réputation, car mauvaise presse n'étant pas vendeur, les tournées ne se présentaient plus trop. C'est vrai. Un EP, puis un autre, puis un premier album en 2015, et une tournée, puis une autre, et enfin un second album en novembre 2018. Alors, sachant que c'est un groupe de punk hardcore, effectivement, on peut changer de chanteur à loisir, hein, ça n'est pas trop gênant. Parce que quand tu vois le chanteur actuel, donc, qui était bassiste avant, tu n'es pas surpris. Voilà, tu dis, ah, il doit être chanteur depuis longtemps. C'est pas... Il a vraiment, c'est vraiment du chant punk hardcore, donc déglingué de partout. Demain, oui. Il change de chanteur, je ne suis pas sûr qu'on voit la différence. Ouais. Donc, j'ai plutôt... j'ai plutôt bien aimé le premier album et ce qu'il proposait dans le côté punk hardcore, mais très en colère et très rapide, avec des morceaux plutôt courts et tout ça. Et dès le deuxième album, dont l'extrait que j'avais posté sur notre page, ils ont essayé de tenter d'autres choses. Un truc un peu plus post-rock, un peu plus ambiant, un peu plus lent, et avec le chanteur justement qui n'est plus du tout en train de crier ou de s'énerver, mais qui essaye de poser une voix. Et donc, alors, ça crée vraiment une... Alors, pas une dissonance avec le reste des morceaux, mais ça crée un truc en fait. Je me suis même demandé si le deuxième album n'était pas un album concept. Parce qu'il commence très fort en punk rock, il se calme un peu au milieu avec ces morceaux-là, et il repart un peu énervé vers la fin. Mais c'est... T'as vraiment deux, trois morceaux où la voix est posée, plus posée, le rythme est beaucoup moins soutenu, ouais. Et ça fait une transition, mais brute, quoi. C'est pas... entre ces morceaux-là, t'as vraiment l'impression que c'est pas le même groupe. Je sais pas si t'as pu écouter le morceau que j'ai posté, mais tu te dis pas du tout que c'est un groupe de punk hardcore à la base, quoi. C'est très... Non, je suis pailleté, mais ouais, après... C'est très particulier. Et du coup, je trouve ce virage plus intéressant en me demandant vers quoi ils vont aller maintenant. L'ensemble m'a pas déplu, m'a pas non plus méga donné envie, mais m'a dit, tiens, le troisième album sera sûrement intéressant et je garderai un œil dessus pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. À l'heure actuelle, je suis pas méga emballé, je suis pas... En fait, quand j'écoute un truc comme leur premier album et quand tu sais l'histoire qu'il y a eu avant, je me dis, putain, les mecs, après tout ça, ils ont posé du temps pour arriver à ça comme résultat. Je me dis, putain, les gars, vous auriez dû peut-être prendre un an de plus et faire un truc un peu plus mélodique ou mélodieux. Ça, c'est après, c'est selon les goûts de chacun. Mais moi, j'aurais préféré un truc peut-être un peu plus travaillé de ce côté-là. Pour moi. Tu vois, je... Mais après, parce que sinon, en soi, ça ressemble assez à un groupe que tu as déjà entendu de punk hardcore qui est déjà très en colère et tout ça. Et... qui va pas forcément tirer son épingle du jeu. Donc tu pourrais t'attendre à quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, ça reste assez classique dans ce terme-là, très énervé, très rapide, très machin. Mais, comme je disais, vraiment, c'est avec le deuxième album qu'ils viennent proposer autre chose. Et c'est plus le côté de tenter autre chose qui m'intéresse, sans forcément que les deux résultats me plaisent, en tout cas au point de me dire « Eh, c'est trop bien !» Je pense pas forcément avoir envie de réécouter plus tard la Cult Leader, de suivre leur évolution, pourquoi pas. J'ai pas été convaincu plus que ça. Je pense que je pourrais aller voir pour voir ce que ça donne en live, aujourd'hui en tout cas. Ouais. Et j'achèterai pas de CD, sinon j'ai pas plus envie d'aller voir ça. S'il y a quelque chose d'autre en face qui me plaît un peu plus, j'irai forcément voir l'autre chose, quoi. Ok. Voilà. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est pas mauvais. Enfin, c'est pas... plus ou moins. C'est pas... C'est juste pas pour moi, quoi. Ouais, d'accord. C'est tout. Ouais, bah, tu peux le dire franchement. Hein. C'est pas pour moi, franchement. Voilà. C'est mieux. Non, je trouve ça plus clair. Bah, désolé. Voilà. Non, mais... C'est pas pour moi, c'est pas très clair, tu vois. Non, mais tu sais, quand tu écoutes un truc et que tu dis, tiens, peut-être qu'ils vont aller vers une autre voie et je veux voir ce qu'ils vont faire, mais sans que ça se forcément, tu vois. Ouais. C'est tout. Le petit rictus. C'est tout. Je vous en prie. Je comprends, tout à fait. Mais en même temps, si tu passes par là. Je te ferai écouter à la fin du podcast et tu verras ce que je veux dire. Tu m'en diras. Voilà. On en reparlera. Mais bien sûr. Alors, mon deuxième groupe qui est Anthrax. Bon choix. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon choix. Par hasard. Mais oui. Dis-moi, Jacques. Oui. Connais-tu la définition du mot Anthrax? C'est un truc que quand tu ouvres une enveloppe, dedans, il y a de la poudre et tu fais... Ah. Et tu tombes malade gravement. Gravement. Et tu peux faire le mourance. C'est ça. Yes. C'est bon? Et ouais, c'est bon, non? Non, t'as pas bon, non? Eh bien, anthrax signifie charbon en grec. Bien sûr. Voilà. Bah, mais je croyais que tu me disais l'anthracite, en terrorisme. Voilà, la maladie de l'anthrax, machin. Moi, ça. J'étais sur le terrorisme. Hein. Moi, je... Eh ben, c'est un peu ça. D'accord. Dans l'idée. Voilà. Très bien. C'est de la poudre. C'est les mineurs qui... Mineurs terroristes. On en a marre. C'est ça. On veut pas que ça ferme. Et c'est aussi le nom d'un petit groupe américain de thrash metal, de jeunes musiciens fringants venus de New York. Wow. Et formé en 1981 par deux guitaristes, Scott Ian et Danny Lilker. Riche de 10 albums studio, 20 singles et. Tu vas jamais retirer ce petit groupe, ce putain de salopard. Tu vas me virer ce truc-là. Non, mais et un EP avec Public Enemy. Putain, mais le manque de respect, c'est fou, quoi. Le groupe est l'un des plus populaires de la scène thrash metal des années 80 et fait partie, forcément, bah, hein, du fameux Big Four. Aux côtés de Megadeth, déjà passé plusieurs fois au Hellfest. C'est vrai. Slayer. Déjà passé plusieurs fois au Hellfest. Et Metallica, déjà... Bon, arrêtez les gens. Ça a passé au Hellfest. En 2012, Anthrax recense quand même plus de 15 millions d'albums vendus à travers le monde. Mais ouais, mon con. Attends. Ça dévoile. Ce qui fait d'Anthrax un gros groupe. Un grand groupe. Merci. De thrash metal. Oh bah oui. Reconnu de ses pairs. Exactement. Bordel de merde. Moi, j'ai reconnu. Voilà. Je t'ai reconnu. Et donc, chier, quoi. Qu'est-ce que t'en as écouté de bien du truc? Qu'est-ce que j'en ai écouté? Alors, bah, tu m'avais fait, si je me rappelle bien, l'année dernière, écouter le dernier, l'avant-dernier. Non, le avant, dernier. Avant-dernier. Non, le dernier. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce que je connaissais l'Anthrax. Donc, du coup, bah, j'ai réécouté les deux premiers albums. J'ai écouté celui que tu m'avais fait écouter. Et j'ai écouté l'album avec Public Enemy. Ouais. Je trouve assez intéressant dans le style. Le premier album, j'ai pas trop kiffé. J'ai commencé à bien aimer à partir du deuxième album. Ouais. Où là, j'ai un peu pigé l'idée quoi, d'Anthrax, ouais. Qui a apparemment été un groupe dans ces années reconnu aussi pour son humour. Décalage, ouais. Ouais, décalage, voilà. Mais ils ont un line-up de dingue, quoi, ouais. Anthrax, quoi. Ça a changé quasiment tous les ans, c'était un gros bordel, quoi. Sauf Ian Scott, qui est resté. Ouais, sauf Ian Scott, ouais. Mais ouais, ça a été un gros bordel, qui est d'ailleurs, assez petite particularité, c'est un guitariste rythmique. Oui. Qui a une main droite de folie, mais c'est un guitariste rythmique, c'est-à-dire qu'il est foutu incapable de faire un seul solo. Ouais, bah. Ce qui était très particulier pour les guitaristes de thrash. En même temps, la rythmique dans le thrash, c'est... Ouais, mais... Tu vois, par exemple, dans Slayer, les deux gratteux faisaient des solos. Ouais. Metallica, même James, il est capable de faire des solos. Ouais. Dave Mustaine, il fait des solos. Donc, ouais. Il y a, tu vois, c'est vraiment la particularité, c'est que c'est un guitariste rythmique. Ouais, bah ouais. Il tient une rythmique, voilà. Il te la tient. Ouais, bah ouais. Non, mais bon, après, c'est tout à son honneur. Tout à fait, tout à fait. Non, mais... Mais voilà. Non, j'ai bien aimé. Ah. Alors, moi, le seul problème dans ce groupe, c'est vraiment la voix qui me pose problème. Ça va dépendre des périodes, je trouve. Alors, c'est pour ça, je te dis, j'ai pas écouté tous les albums, donc du coup... Mais même dans ce que t'as écouté, t'as dû remarquer. Alors, bizarrement, sur le deuxième album, ça m'a moins gêné. Ouais. J'ai plutôt apprécié l'album en lui-même. Je trouvais ça plutôt sympa. Le premier, vraiment, là, c'est... J'étais à la limite d'arrêter, de me dire, non, faut que j'écoute, mais... Professionnel. Ouais, la voix me dérange vraiment. Mm-hmm. Mais bon, Anthrax, j'ai pas trouvé que c'était... du trash pur et dur. Ah ouais, il y a vraiment des notes d'heavy metal, il y a vraiment des notes de qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans, de speed, de Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je me suis fait la remarque. Enfin voilà quoi, c'est un groupe vraiment qui t'a pas que dans le trash quoi. Ah, c'est un peu parce que le trash aussi ça peut être du speed, ça peut être un... Non mais c'est moins heavy. Que là j'ai vraiment ressenti. Oui, c'est moins heavy, mais tu peux retrouver un peu de heavy. Hein. Ouais, mais là dans trash justement j'ai retrouvé plus de heavy que dans Metallica ou dans Slayer ou tu vois. Ouais d'accord. Megadeth, plus dans les débuts ou plus vers la fin? Plus vers la... Ah, je ne sais plus. Plus vers la fin, peut-être, je trouve. Ouais, peut-être plus vers la fin. Mais après, je te dis, je n'ai pas écouté tout. Ils ont je ne sais plus combien d'albums. Ah, c'est bien déjà, ça. Non, ils ont pas mal d'albums. Hein, donc, ils ont bien... Et donc, au final... Une bonne dizaine, je crois. Bah, t'as dit 11, je crois. Je crois que t'as dit 11. Je l'ai dit. Tac. Vers la fin, quand t'as dit avant de dire que c'était un gros groupe. Oui, ben bah voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. Tout à fait, voilà, c'est ça. Ah bah tu vois. Et donc, du coup, alors, est-ce que tu irais les voir? Comme ça, de but en blanc, ouais, je pense que ça peut être jouable. Ah. Est-ce que ça t'a donné envie d'écouter certains autres albums que t'as pas... Oui. Ah, tu vois. Ouais, ouais. Donc, quelque part... Plus sur le deuxième album, moi, m'a vraiment plus parlé. Que même celui que je t'avais fait écouter un peu? Ouais, bah après c'est différent parce que la voix est plus posée, elle est moins aiguë, on va dire. Mmh. Dans le côté speed metal, trash metal, je suis plus fan du début. D'accord. Et du coup, ça me parle plus. Donc pourquoi pas, peut-être à la rigueur, revenir carrément sur la discographie du début et refaire, voilà, remonter crescendo. Donc quelque part, c'est un peu une découverte. Ouais, parce que bah forcément, il y a des morceaux que je connaissais dans Trax. Ouais, comme Indians. Ouais, ou... c'était quoi? Il y a un truc avec House sur le deuxième album. C'est un morceau vachement connu. Ouh là là, tu m'en demandes beaucoup, toi. C'est pas Dark House, c'est pas Fun, c'est... Ah, je ne sais plus. Mais ouais, ce morceau-là est assez connu. Et du coup, oui, c'est des morceaux que je connaissais. Donc du coup, ça... Ah bah tiens, c'est marrant. Mais ouais, après, je pense que... Genre, Madhouse, ouais. Madhouse, voilà. Ben oui, je suis con. Oui. Et tu vois, tu l'admets. Et d'accord. Du coup, ouais, ouais. Très bien. Voilà. Donc, tu pourrais aller le voir. Est-ce que tu pourrais acheter un album d'Anthrax? Bah, ça dépend de ce que je vais découvrir. Oh, un monde de possibilités qui s'ouvre à toi. Totalement. Très, très bien. C'est formidable. C'est parfait. Très bien. Eh bien, je vais passer à mon deuxième groupe. Pour référence. Ah, pardon. Référence, je pensais que t'avais fini. Excuse-moi. Quatrième passage au Hellfest. Oui. De ce que j'en ai vu. Et un passage au Fury Fest. Oh. Donc, c'est des habitués, on peut dire. Hein. C'est vrai. Voilà. Ouais, d'accord. Très bien. Tu les avais pas vus au Fury Fest? D'accord. Non, c'était pas l'année où j'y suis allé, je crois. Parce qu'il y a eu plusieurs Fury Fest? Ouais. D'accord. Tu étais en quelle année? 2015 2004. 2004, parce que 2015, c'était pas du tout le Fury Fest, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, ok. Donc j'ai passé à Skindred. D'accord, c'est toi qui sais. Qui, comme marqué sur Wikipédia, est un groupe de heavy metal britannique. Complètement, je suis complètement pas d'accord avec ça. Originaire de Newport dans le Pays de Galles. C'est faux. Bah, oui, pardon. Non, cette partie-là, elle est vraie. Oui, c'est ça. Assume mon côté. Il est né des cendres de Dub War, groupe underground des années 90, et mêlant des styles différents comme le raga par la voix de Benji, le chanteur du coup, la malice, et le metal, punk par les rythmiques et les riffs des musiciens. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. En 2002, Skindred publie son premier album, Babylon, réédité en 2003 et 2004. Il est produit par Howard Benson, connu pour son travail avec Papa Roach, Ubastank et P.O.D. Ah ouais? Ouais. Fait intéressant, aux États-Unis d'Amérique, Babylon atteint la première place des Billboard Top Reggae Album. Ah ouais? Tu dois bien s'entendre avec ma sister. La cinquième place des Top Hit Seeker et la 189e place du Billboard 200. En 2006, Babylon atteint encore une fois la première place des Top Reggae Album. Ce qui est quand même assez... Ouais, c'est assez... Assez fou, je trouve. Je suis pas de mots. 2007, je suppose avec beaucoup d'hésitation, le groupe sort un second album, parce que du coup, quand t'as un album qui cartonne, t'as peut-être envie de te dire « Oh, est-ce qu'on en sort un deuxième ?» qui marche plutôt pas mal, celui-ci. 2009, troisième album, et là, je pense, on peut le dire, Skindred a son style, qui mélange heavy metal, punk rock, hip-hop, reggae et electronica, pour créer son style, le raga metal. Tout ça pour en venir à ça. Voilà. C'est une très très longue intro. Dur labeur. Benji, chanteur qui rime avec blagueur. Parce que chanteur, blagueur. C'est au niveau de la fin. Je sais pas. Alors chanteur. Teur. Ouais. Blagueur. Gueur. Teur, gueur. Enfin, tu, imagine. Tu, bah, chanteur, heure. Ouais. Blagueur, heure. Ouais, ouais. Tu vois ? Ouais, ouais. Ça rime. Je vois à peu près la référence. Ouais. Alors. Qui rime avec blagueur, considère leur style musical, pour rire, comme il le dit, comme du nu reggae, en référence au nu metal. Ah, mais ouais. Comme quoi, il est pas... Hein, il est de la déconne, ce Benji. Il est de la déconne. C'est un blagueur. Petit point référence, le groupe a souvent été comparé au Bad Brains. Là, je te laisse... Bad Brains. Oui. Ouais, groupe de punk. Non, mais raga toi, punk. Ah ouais, raga punk. Mmh. Et donc, ça te semble... Je dirais dans les sonorités, Bad Brains c'est plus vraiment punk raga. Et Skindred plus Skindred, raga punk. Non, plus raga metal, je dirais. Bah écoute, moi je te dis, tu vas à l'encontre de Wikipédia. Ah bah après non, mais je ne sais pas. Mais non, parce que dans ce cas-là, on y va, on se connecte, on change et on dit oui. Enfin, tu sais, on fait. On peut éventuellement faire ça. On fait vrai. Un petit astérix. Voilà. Et on le signe RTH. Yeah, classe. 2011, nouvel album. Petite pause, parce que rien sur Wiki. 2014, nouvel album. Des vacances, peut-être. 2015, E2. Et 2018, dernier album en date que nous avons écouté déjà tous les deux et dont nous avons parlé dans une précédente émission. Tout à fait. Petite info en sus. Benji fait une apparition live remarquée au Download Festival 2006 avec Korn sur Adidas en remplacement de Jonathan Davis, admis d'urgence à l'hôpital. Il participe aussi en studio avec Soulfly sur le Préjudice, le premier album, et Bullet for My Valentine sur le deuxième album, sur Take It Out On Me. Alors là, pour le coup, sur Bullet for My Valentine, ça se reconnaît pas trop que c'est lui qui est là. Sur Soulfly, un peu plus, il vient faire tous les trucs de raga, mais ça se mélange bien avec le côté tribe de Soulfly. Tout à fait. De mon côté, j'aimais déjà bien Skindred, donc ça n'a pas changé. Ouais. J'ai réécouté un peu tous les albums. D'ailleurs, petit mea culpa, j'ai un peu très mal géré l'écoute de mes albums cette semaine, vraiment, vraiment très mal. Du coup, j'ai beaucoup plus écouté Skindred que les restes. Désolé. mais du coup, c'était sympa. Parce que oui, bah oui. Alors, je suis toujours plus fan de l'avant-dernier album Volume que du dernier. Pump Up. Pump Up de Volume, c'est ça. C'est tout à fait. Que le dernier, à savoir Big Thing, ouais. Qui est très sympa, mais beaucoup plus justement mainstream, pop. Ouais, vraiment ça. Passe-partout. Ouais. Mais Volume est vraiment très très sympa. Et donc, évidemment, sauf contre-ordre, genre de méga groupe en face, je serai devant Skindred, même en main stage, parce qu'on les avait découverts, en live il y a 2 ans. En main stage. En main stage. Et on avait... se barrait, c'est ça, en fait. Pardon ? On se barrait. On se barrait, on a ouais. été happé. On partait, puis... On a fait... Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ce chanteur avec ses lunettes étranges ? Oui, c'est vrai. Allons voir. Yeah. Et on a kiffé notre race. Voilà. Puis du coup, on est resté. Ouais. Et t'avais un parapluie. Oui, tout à fait. C'est important de. Ouais, pour faire de l'ombre. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Skindred ? Parce que moi. Ouais, non, j'aime bien ses lunettes. Ouais. Moi, je pourrais acheter un album, hein, vraiment. Volume, je pourrais l'acheter. Moi, je ne connais pas tout de Skindred parce que je n'ai pas tout écouté. Mais, Je te conseille l'album Volume. J'ai écouté le dernier, ouais. Si je ne me trompe pas, c'est avec ça. Le chat. Big Things. Voilà. J'ai trouvé sympa. Voilà. Un groupe à découvrir. Je te le conseille. J'irai. Je t'en prie. Tu iras. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je serai devant, je le mettrai dans une playlist, je pourrai l'acheter. D'accord. J'aime bien. Bon, très bien. Merci, t'as toi. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. À vous de même. Eh bien, pour ma part, en troisième groupe, j'avais Fever 333. Ouh. 3-3-3. 3-3-3. Voilà, qui est un super groupe américain de rapcore formé à Inglewood. C'est un super groupe ? Ouais, c'est un super groupe. Putain ! Ok. Vas-y. Non, mais est-ce que je m'en vais t'en dire plus. Voilà, qui est un groupe de rapcore formé à Inglewood en Californie en juillet 2017. Mm-hmm. Le groupe est composé de Jason Aaron Butler de Let Live à la voix, du guitariste de The Chariot, Stephen Harrison, et du batteur Arik Improta de The Night Verbs. Voilà. Ils réalisent leur premier EP de Mad in America en mars 2018. Autant dire que c'est tout frais. C'est tout frais, c'est dommage. Faits étranges. C'est que je suis le batteur Arik Improta. Ça fait 2 ans ou 3 ans que je le suis sur Facebook, en fait. J'ai liké sa page. Ah oui ? Ouais. Et tu... Et j'avais déjà vu vaguement passer ce groupe. Mais sans plus aller voir. Parce qu'en fait, lui, il bosse sur beaucoup de projets. Ouais. Donc du coup, il bosse pas que sur ce truc-là. Mais c'est vu que c'est tout récent, du coup, ce qu'il a monté... ce super groupe en 2017, et ils ont sorti leur premier EP en 2018, donc tu vois, c'est tout frais, donc, du coup, ça tombe assez bien que je découvre ça, et que ça tombe sur moi, parce que... Bah, il y a une espèce de corrélation, c'est vrai. Totalement, voilà. Totalement. Sliders, tu vois. Et du coup, ouais, assez étonné. Mais en dehors de ça, c'est quand même de la grosse merde. Oh. Oui, c'est de la grosse merde. Désolé. Non, mais parce que. Non, mais en vrai, il y a un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Et... c'est pas possible, ce groupe. De quoi ? Bah, c'est pourri, quoi. C'est assez étrange. Non, parce qu'en fait, il y a un moment donné où je suis conscient qu'il faut être tolérant et faut essayer. Mais. C'est nul. Après, ça peut plaire. Ça t'a plu ? C'est pas que ça m'a plu. Ça t'a plu ? C'est comme ce que je te disais. Je t'ai envoyé le message. Oui, oui, tu m'as dit que c'était difficile, mais je suis d'accord. Mais en vrai, c'est sympa. Ça m'a pas plu, dans le sens où ça m'a plu. Voilà, j'ai écouté d'une oreille Road to Hellfest. Ah, en vrai, bah, c'est tout à ton honneur. Mais moi, c'est vraiment comme si on avait mélangé plein de trucs dans une machine à laver, on avait lancé un programme au pif. Et on se disait, peut-être que ça va ressortir propre. Sans avoir d'éteint. Sans avoir d'éteint. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Parce que franchement... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, non, je pense que l'image que je t'avais balancée m'a à peu près... Bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment, t'es en train de bouffer un truc que t'apprécies. Parce qu'il n'y a pas que de la merde non plus dans ce qu'ils font. Non, mais c'est comme si vraiment à chaque fois... D'un seul coup, tu vas... Alors, l'image que j'avais balancée, voilà. C'est tu dégustes un bon plat et d'un seul coup, tu vas croquer dans un clou de girofle. Et tu vas faire « Oh, putain !» Et voilà, c'est exactement ça que ça m'a fait, moi, en fait. Je dis, putain, là, c'est pas possible, sérieux, quoi. En fait, quand tu m'as balancé ton image, je croyais que t'étais juste en train d'écouter un truc et que t'étais déçu après, mais pas plus que ça, c'est pour ça, en fait. Mais moi, ça... Enfin, tu vois, étonnamment, moi... Je peux pas écouter ça, vraiment. Alors qu'il y a des trucs vraiment plus extrêmes que je peux écouter, que j'apprécie pas forcément. Mais ça, pour moi, c'est une espèce d'antithèse de la chose, quoi. Ouais. C'est comme vraiment... Mais ça, en plus, étonnamment, ça rejoint un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur le côté nouveau métal, entre parenthèses, de... Ou non après, seulement toi qui aimes les mecs qui tentent des trucs, mais tu oui, peux pas dire le contraire qu'ils tentent des trucs. Ouais, mais oui. Mais quelqu'un qui va se jeter dans le vide va tenter quelque chose aussi. Sans élastique. Sans rien. Bah, allez, sans okay. Protection en disant je peut-être avec que un si canoë kayak de mon vélo. Peut-être que si j'y crois assez fort, je vais m'envoler. Non, mais en vrai. Non, moi j'ai pas détesté, j'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté. Ah oh, putain, moi ça a été. Je crois que c'est le seul truc cette semaine où je l'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté d'écouter. Ouais. Mais en me disant, putain, c'était pas mon groupe aussi, donc je me suis pas forcé plus que ça, tu vois. Ça, c'est facile. Mais j'ai encore réessayé ce soir, et franchement, je dis, non, mais je peux pas. Il y a vraiment comme s'il y a un mauvais mélange de trucs, tu vois. Genre, Ça me fait penser à l'image que j'avais entendue de quelqu'un qui disait pour la dubstep, en fait, c'est comme si tu balançais des instruments de musique dans un escalier, ça fait de la dubstep. Ça me fait penser un peu à la même chose, là. Tu balances plein de trucs et tu vois comment ça rebondit, quoi. Ouais. T'as vraiment l'impression, hey, venez, je tente ça. Parce qu'il y a aussi un peu, il y a une partie un peu électro, qui est électro ou numérique un peu chelou, et... Alors ouais, je peux pas vraiment te dire parce que je l'ai écouté qu'une fois, mais après voilà, moi je me suis dit, ça m'a pas déplu, ça m'a pas plu. Tu iras le voir ? Pour le batteur, ouais. Ah ouais, quand même ? Ah ouais, parce que c'est un gros cinglé ce batteur. Vraiment, c'est une bête de batterie, mais, ce mec. Y a pas de souci. Hein. Ah ouais, non, mais après, s'il y a rien en face... Ceci est donc le dernier numéro de Rod. Écoute, si ça peut te faire plaisir. J'en suis pas arrivé là quand même. Non, non. Mais ok, d'accord. Donc, plus. Bah après, t'as presque dit la même chose pour Aurore l'année dernière. C'était pas du tout ta cam, machin. Moi, j'y suis allé. Franchement, d'accord. J'ai pas été déçu du tout. Je suis d'accord. Mais en Aurore, j'étais en mode. On était plus aussi sur un mode de pas compréhension de qu'est-ce qu'un groupe de hip-hop venait faire là. On était là-dessus. Hein. Ils étaient ouais, deux groupes. Ça reste vraiment du gros hip-hop, mais sur scène, ça n'a strictement rien à voir. Ah, mais non, mais Là, ils ont balancé tout ce qu'ils avaient à balancer. Enfin, faut dire que Aurore ont plus d'albums aussi. Hein. Ils avaient plus de choix sur les morceaux. Ça reviendra. Ça peut revenir sur un truc que je vais dire sûrement pour un groupe, mais l'expérience live peut être totalement différente. Mais après, il faut quand même déjà avoir une première approche qui t'a un minimum touché pour que t'aies envie d'aller faire l'effort d'aller voir en live. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est la différence, elle est là. Toi, imagine, il n'y aurait pas un batteur que tu suis et que t'aimes bien. Est-ce que t'irais voir ? Je sais pas. Voilà. Tu vois, par curiosité, peut-être, pour voir ce que ça donne sur scène. Parce que tu peux ne pas aimer à l'écoute, mais tu peux être assez agréablement surpris. J'étais pas plus fan que ça d'Aurore. Je voulais voir, j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait sur scène. Bah franchement, j'ai pas été déçu parce que les mecs se sont défoncés comme il y a ça, pas. C'est quoi. Aussi parce que tu viens d'un seul coup de découvrir que l'ouverture d'esprit c'était plus intéressant que d'être obtus. Moi, je peux rien. Contrairement à toi. C'est vrai que je suis reconnu comme le mec obtus, moi, dans ce podcast. Ah bah, c'est tout moi, à fait. C'est moi le mec fermé d'esprit. Non, mais pour le. Alors écoute, d'accord, très bien. Il y a quoi qui est sorti ? Un EP ? Il y a qu'un EP. Très bien. Et ben pour la prochaine émission, je l'écouterai en entier plusieurs fois. D'affilée. Ouais. Et je non, mais essaye de suivre Harry Kimprota. Non, parce voir que... ce qu'il fait, mais non, mais juste pour constater ce qu'il fait à la batterie. Non, mais ça, j'en doute pas. Mais après, c'est savoir ce que. Bah, c'est pour ça aussi, moi, que. Oui, mais savoir ce que font les musiciens à côté n'est pas censé être un gage de qualité pour ce qu'ils font dans le groupe. Ouais, mais enfin, moi, rien que pour ça, ça me donnerait bien envie d'aller les voir. Oui, mais parce que là, toi, t'as envie de voir le musicien. Ouais. Mais en soi, c'est pas. Tu vois, regarde-moi le batteur de Trivium, j'ai trouvé qu'il était ouf. Je l'ai trouvé ouf dans Trivium. Je l'ai pas vu avant. Oui. Donc, faut que ça soit cohérent avec ça. Là, je suis d'accord pour aller faire un effort à écouter ça parce que j'ai vraiment une espèce de blocage. Ouais. Qui est important. Mais c'est ce que je te dis, tu l'as eu sur Aurore aussi. Tu n'as pas été voir Aurore. Pas pour les mêmes raisons, parce que... Oui, voilà, mais Aurore, je voulais y aller. C'est un espèce de concours de circonstances qui a fait que je... Sur la principe, je voulais y aller. N'essaye pas de te rattraper. Je voulais y aller. En 2018, en 2017, tu disais pas du tout ça. Non, je voulais y aller. Je suis passé devant, je me suis pas arrêté. Ok, Réécoute-toi. Non, mais je... Eh, ça va, monsieur. Hein, c'est pas parce que t'as pris une claque ce jour-là. Tu veux qu'on repasse tous les anciens podcasts où t'as écouté une chanson dans une chronique pour dire « c'est de la merde ». On peut le faire aussi, hein, dans ce cas-là. Non, c'est trop de boulot. Bon, il faudra retrouver ça. Ouais, bah, c'est surtout ça. Je pense que n'importe quelle émission de la saison 1... Hein, oui, voilà. Ouais, mais c'était la première saison, j'étais pas chaud. Non, mais attends, moi, je suis d'accord. Moi, ça me dérange pas de faire des expériences. Voilà. Je peux aller mettre ma main dans le feu aussi, ça peut être rigolo. Ouais, par exemple. Très bien. Donc, tu recommandes ce groupe ou pas ? Non, tu oui. Disons, t'as un affect particulier pour un des membres du groupe. Non, mais moi, en fait, c'est aussi l'expérience Aurore de l'année dernière qui me fait dire, bah, pourquoi pas ? Ah, mais tu pourrais... Oui, mais dans ce cas-là, tu peux dire pourquoi pas pour tout. Non, c'est parce qu'il y avait un truc avec Aurore aussi. Pas l'audio, hein. pas à l'audio, mais il y avait un truc. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, quoi. Il y a un groupe de hip-hop. D'accord, donc en fait, là, tu vas plus loin, en fait. Et c'est très, très bien, je trouve. C'est, t'as été, tu vas encore plus loin, c'est tu dis, ok, c'est même pas musicalement, mais tu dis, ils sont là, ils ne doivent pas être là par hasard, donc je veux essayer de comprendre pourquoi. Bah ouais, complètement. Là, d'accord, ouais. Là, je te suis. Donc en fait, en gros, si j'essaye d'extrapoler un peu ce que tu te dis. Musicalement, ce que tu as entendu est pas ouf, mais s'ils sont là, c'est pour une raison, donc ouais. Tu as envie de faire l'effort pour essayer de comprendre le truc. Voilà. Très bien. Donc c'est dans par une. Par contre, j'ai pas du tout la scène. C'est en main stage. En main stage. Je suppose, ouais, je crois, ouais. Je crois de ouais, par contre, ça va peut-être m'arrêter ça. Ah bah du coup, de mémoire, c'est en main stage. J'essaye de retrouver vite. Ça aurait été sous la vallée, j'aurais dit oui, carrément. Ah bah de mémoire, c'est de mémoire. Hein. Je. Ah, ça serait bien qu'on fasse notre travail en temps et en heure. Ouais, The Fever, ouais, voilà, 373, il passe après Skindred. Et entre les groupes de rock, entre Kiss, Courtney, Rivalson et tout ça. Ah, avant ouais. Whitechapel. Tu vois, entre Skindred et Whitechapel. Ça, sur la c'est la flûte, ça. Tu vois ? Ouais. Tu t'attendais à autre chose ? Bah, je m'attendais, ouais, plus à la vallée, moi. Ah, moi, quand j'ai entendu, je me suis dit, ah, c'est Manchester, c'est grave. Ouais, bah, encore une incompréhension de ma part. Comme Clutch, c'est pareil. Non, Clutch, c'est normal, en fait. C'est une question de popularité. Je veux pas le savoir. T'as vu Je ne veux pas le savoir. T'as pas les boules, apparemment, leur concert, il était dément à Paris. Bah, si, j'ai les boules. Ah, d'accord, je voulais être sûr. Bah, ouais. Colère. Est-ce que, par hasard, tu connaissais d'autres groupes de ce super groupe ? Non, pas du tout. Non, franchement, ça me charrette, ça me parle pas du tout. D'accord. Mis à part le rhum. Ça me... C'est charrette ou chariot ? Charrette ? Chariot ? C'est chariot. Tagadec. Chariot, ouais. Tu vois. Ah bah, tu vois, chariot, c'est rigolo. Pas plus que ça. Alors, bon, autre chose à ajouter sur ce groupe ? Non. Donc pour l'instant, on est plus sur une démarche de compréhension. Voilà, complètement. Et mais bien, là, du coup, oui, vu que c'est en main stage, forcément. Bah, ça dépend à quelle heure, c'est toujours pareil. Alors, bon, c'est pas vraiment. On peut pas tout se rendre compte parce que c'est. Non, mais si c'est à l'heure où il n'y a pas grand monde, ça peut le faire. Bon, bah écoute, il passe après Kiss. Hein bon, ouais, non, il y a une couille dans les trucs. Ouais, non. Ouais, non, mais c'est pour ça. Ok, très bien. Moi, je vais parler de Sumac. Ah, le fameux groupe. Ouais. Alors j'ai eu un petit peu de mal au début avec l'histoire de ce groupe parce qu'en fait, partout où je me renseignais un peu, on parlait que d'un seul membre du groupe, qui est le membre fondateur, mais on en parlait beaucoup. Donc j'avais beaucoup de mal avec l'histoire du groupe. Ouais. Tellement elle était empreinte de la légende de l'homme. Tu vois. Ouh. Bah ce qui est ça qui est horrible, c'est que je ne le connaissais pas, donc du coup, moi, ça ne m'a pas du tout parlé. Sumac est un groupe américain-canadien de post-metal sludge formé en 2014. Il est composé de Aaron Turner, un homme fort occupé, du coup, basé à Washington, dans l'état de Washington, au poste de guitariste chanteur. De Brian Cook, basé à Brooklyn, à New York, au poste de bassiste. Ah oui. Et Nick Yassichin, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, au poste de batteur. Putain, mais comment ils bossent ? Bah, je sais pas. Les mecs sont à l'opposé. Ils ont c'est ça. Le musicien Aaron Turner, un peu avant la séparation de son groupe Isis et la fermeture de son label Hydra Head Records et ses nombreux autres projets, a commencé à travailler sur du nouveau matériel qui deviendra finalement Sumac. Dans le but d'écrire l'une des musiques les plus lourdes qu'il ait jamais créées. Donc du coup, très sludge. Très sludge. Après avoir créé des squelettes d'une poignée de chansons, il s'est tourné vers Kurt Ballou de Converge, parce qu'il a aussi beaucoup écrit avec le mec de Converge, et lui a demandé s'il connaissait un batteur qui cadrerait bien avec la musique qu'il aurait écrite. Ballou, qui a travaillé avec le groupe canadien de crust punk Baptiste, en avril 2014, pour enregistrer leur deuxième album studio Blood Mine, a recommandé le batteur Baptiste, Nick Yassichin. C'est pas évident à prononcer. Oui, ça a l'air. Turner et Yassichin se sont rapprochés et Yassichin a commenté que la musique sur laquelle il travaillait était une expérience assez dense et lourde. Il a même déclaré « Je n'ai jamais été dans un groupe qui sonne comme ça. » Déjà, on part sur un truc. Même si les deux membres faisaient partie d'autres projets à cette époque, Turner a annoncé que Sumac tenterait de devenir un groupe à temps plein qui continuerait à écrire, enregistrer et à tourner au lieu d'être un simple groupe. Après n'avoir joué que deux fois auparavant, Sumac a présenté son premier spectacle sur scène en décembre 2014 en ouverture de Def Heaven à Vancouver, en Colombie-Britannique. Sumac a publié son premier album de 6 chansons intitulé The Deal le 17 février 2015. En février 2016, un an après la sortie de son premier album, le groupe Sumac a annoncé qu'il avait signé un contrat pour la sortie de son deuxième album. Ce nouvel album intitulé What One Become est sorti le 10 juin 2016 et aura pour objectif d'examiner les luttes internes et personnelles de Turner face à l'anxiété. En novembre 2017, Sumac a annoncé la sortie d'un album collaboratif avec le multi-instrumentiste japonais Keiji Eino, intitulé American Dollar Bill. Gardez le visage de côté, vous êtes trop hideux pour regarder en face. C'est une traduction du truc. L'album a été enregistré à l'été 2017 dans le studio d'enregistrement Goksound à Tokyo en tant que série de sessions non appréhendées et totalement non préméditées et a été publié le 23 février 2018. C'est le groupe dont j'ai posté une chanson qui durait 20 minutes. Mmh. Et Sumac, c'est un peu un mélange de plein de choses. Du sludge en priorité. Donc c'est très lourd, c'est très long, c'est très lent. T'as quelques moments des éveils de changement de rythme qui font que oh, du coup j'étais encore vivant. Et des trucs qui te ramènent un peu à ce que t'es en train d'écouter. C'est pas inintéressant, mais. Pour ce que c'est, je trouve, alors, l'expérience audio, je trouve que ça demande trop d'implication personnelle. Ouais. Tu vois, c'est vraiment tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. C'est vraiment le truc où il faut que tu y ailles, que tu sois prêt à écouter ça et à t'y mettre pour vraiment le prendre. C'est pas du tout désintéressant, j'ai pas du tout passé un mauvais moment, mais si t'as le malheur d'être un tout petit peu en dehors, ça passe comme une BO que t'écoutes pas, quoi. Ça fait un fond sonore et tu. Ouais. Faut rentrer dedans. Ouais, faut vraiment être dedans. T'as écouté un petit peu ? Non, mais je connais un peu l'idée, quoi. Ce que tu veux dire, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, c'est assez particulier. Et comme en plus, beaucoup de morceaux sont assez longs, c'est un peu trop dense pour moi, dans le sens où j'ai pas forcément assez d'attention aussi longtemps. Dans ma manière d'écouter la musique, en tout cas. Mmh. Donc, par contre... Je pense que ça peut être très intéressant à voir en live pour le côté être pris dans le truc, quoi. Vraiment, ouais. Tu vois, ça me fait pas le côté, si on devait dire, pour le côté, on va dire, Sludge Day at God. Si on pouvait dire Doom Sludge Day at God, qui est un peu beaucoup plus... qui m'a beaucoup plus fait un rejet. Là, c'est pas le cas du tout. À aucun moment, je me suis dit, oh, est-ce que c'est pas bien ce que j'écoute, ça me plaît pas ou quoi que ce soit. Mais c'était plus, ça me demandait trop d'efforts pour vraiment me dire, c'est bien et prendre conscience. Tu sais, quand t'écoutes un morceau, des fois, t'as des trucs que t'aimes bien et que tu te remémores et tout ça. Mmh. Là, c'est pas possible. Là, j'ai pas pu. Parce que c'est trop. Donc, c'est pas du tout inintéressant. Moi, je conseille à tout le monde d'écouter un peu. Le morceau de 20 minutes, en fait. C'est assez particulier parce que je comprends pas pourquoi ils font des morceaux de 20 minutes quand t'as des moments où vraiment ça redescend et tu peux faire un cut, quoi. Je vois pas forcément la continuité avec le changement qu'il y a derrière. C'est leur choix, je veux pas, mais je vois pas trop l'intérêt, moi. Ouais. Donc, je te conseillerais de jeter une oreille, d'aller faire un tour, c'est pas du tout désagréable. On voit que le mec, c'est pas son premier groupe, on voit que le mec a fait plein de trucs avant. Tu vois, il a vraiment écrit avec beaucoup de monde. Bon, bah, son groupe qui était important à séparer, son label à fermer. Donc, mais Sumac est aujourd'hui son gros groupe, mais c'est pas du tout inintéressant, quoi. C'est peut-être moins pour nous, c'est moins dans ce qu'on pourrait écouter, mais c'est pas désagréable à écouter. Donc, donc je n'achèterai pas forcément d'album, je serais tenté d'aller voir en live et je serais pas contre réécouter pour apprécier plus, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une. Que ça se lie à une occasion où je puisse être bien dedans. Voilà ce que j'ai à en dire. Ok. À toi. Ah oui. Oui. Merci. Ah, c'est vrai que quand on parle de sludge, hein, tout de suite. C'est fou. Hein. Ah, ça plombe un peu le truc. Hein. À chaque fois, le doom, le sludge. Hein, ça laisse des traces. Ah, complètement. Mais merci à toi. Bah écoute. En tout cas, c'était sympa. Très sludge comme chronique. Dis-moi. Oui. Tu sais ce qui ferait un super film pour les enfants à la Noël qui approche ? Comment j'ai raté l'avion ? Moi non. J'aime bien quand ça foire comme ça. Mais en tout cas, j'ai déjà un titre. Ah oui ? Ouais. Quoi donc ? Ça s'appellerait L'Oncle Acide et les Bêtes Mortes. D'accord. Eh, c'est pas mal. Je m'excuse pour la blague que j'ai faite sur la page Facebook parce qu'elle était pourrie. Voilà, je laisse reprendre. Ah non, mais attends, je viens de me rendre compte qu'en anglais, ça fait The Uncle Acide. Et... Attends, non, mais ça fait partie du truc. Je viens de me rendre compte qu'en anglais, ça fait Uncle Acid and the Dead Beast. Peut-être que si tu retirais tes doigts de ta bouche, ta lecture s'en passerait mieux. Et je viens de me rendre compte aussi que je joue très mal. C'est vrai. Alors, Uncle Acid and the Dead Beast, qui est le nom d'un groupe britannique de Cambridge. Il joue un rock psyché, un peu stoner, doom heavy metal. Bah, dis donc. Ah, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Les mecs, ils tapent un peu à tous les râteliers. Ils s'en foutent. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît. D'accord. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont le droit, ils ont c'est le droit. C'est pas notre problème. C'est vrai ce que tu dis. Donc voilà, et ils jouent le 21 juin sous la vallée à l'Hellfest. C'est fou ça. C'est dingue. Et le 21 juin, c'est le vendredi ? Ou c'est le samedi ? C'est une bonne question ça. Oui, c'est le vendredi parce que c'est le jeudi 20. Ah bah oui, alors... Si je ne trompe pas. Non, mais tu dois avoir... Donc voilà. Oui, d'ailleurs, est-ce que je me permets de dire que Soumac jouait samedi sous la vallée. Je ne l'avais pas... Merci de cette précision précise. Je... Alors, donc, ils ont à leur actif 4 albums et 3 singles. Et le groupe est métaphoriquement décrit comme du Alice Cooper, Black Sabbath et les Stooges. D'accord. Pour ceux qui préfèrent dire les Stooges. D'accord. Voilà. Tout ça mélangé. Pour simuler des sons produits à cette époque, donc les 70s. Ouais. Tu vois bien le son un oui, peu oui, Black Sabbath, tout ça, des 70s. Ouais. Et le groupe fait usage des instruments vintage et équipements, tout l'équipement prévu à cet effet. D'accord. Donc voilà, ils gardent vraiment tout le vieux l'esprit, matos. En voilà. Fait, ils n'achètent pas du tout de matos récent. Tout d'accord. Ça. Ils font les vide-greniers et tout. Voilà, ouais, ils font les vide-greniers, tous ces trucs-là. Okay. Donc voilà. Tout cool. C'est pas inintéressant. C'est vrai. Musicalement, c'est assez riche. Ouais. Hein, c'est très varié. C'est pas nerveux. Hein. On va pas commencer à partir là-dedans. C'est... vraiment très très ouais très Black Sabbath, j'ai retrouvé vraiment du son 70s pour tout ce qui est tous les fans on va dire de rock psyché des années 70 on retrouve vraiment bien le son 70s et c'est pas dégueulasse. Ouais. Voilà. Niveau voix, c'est pareil, c'est pas dégueu non plus. Et ben moi ça a pêché plus de ce côté-là moi. Ah ouais ? Ouais. Ouais, bah après moi j'aimais moins. Ouais. C'est un peu mon... Bah, c'est tout à fait dans l'esprit. Hein, oui, c'est dans l'esprit, ouais. Mais c'est, j'avais plus un grief avec ça. Moi, je... D'accord. Ouais. Bah écoute... C'est moi. C'est voilà. Moi, ça m'a... J'arrive pas trop à accrocher l'idée, mais ça m'a pas déplu. D'accord. Voilà, c'est passé tout seul, tranquillou. Quoi. Donc voilà. Un bon petit groupe de rock psyché. T'as fait passer un bon moment. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu iras les voir ? Alors, pour te dire comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. S'il y a autre chose en face, j'irai voir. Peut-être l'autre chose qui m'intéresse plus. Ouais. Mais ça ne m'a pas accroché au point. En fait, ouais, t'as trouvé ça, t'as vu pourquoi c'était sympa. Mais toi, tu t'es dit, oui, je prends. C'est rien, sympa, mais sans plus, voilà, pour ma part. Voilà. D'accord. Mais ça reste un bon rock psyché, donc il y a pas et vraiment l'effet vieux instruments des années 70, c'est là quoi, tu as vraiment le craquement, c'est à la limite d'écouter un vinyle, tu vois. Ouais, non mais donc, c'est vrai que musicalement moi j'ai bien aimé, en plus je trouvais qu'ils avaient des variations et des trucs hyper intéressants qui étaient pas classiques pour dessous. C'est juste plutôt la voix du chanteur moi je n'aimais pas trop. Ouais. Après, voilà, j'ai pas plus de choses à en dire. Faut écouter. Ouais, non, je pense. Ouais, faut vraiment se faire son avis soi-même parce que là, j'ai pas. Ça reste ce qui est décrit. Hein, voilà, tout ouais, simplement. Ouais, franchement, là, je te dis, j'ai pas. Le cœur n'y est pas. Vraiment. D'accord, très bien. Donc, c'est pas une belle découverte. C'est pas une belle découverte, c'est pas une moche découverte. C'est... Je les avais déjà découverts il y a un moment de ça. Par hasard. Ouais, par hasard, parce que bah forcément dans les... Dans les fouillages. Dans les fouillages, comme ça, tu me dis, ah, machin. J'ai écouté, ça m'avait déjà pas plus accroché que ça à l'époque. Donc, et là, voilà. C'est pareil. Là, c'est pareil. D'accord. Mais c'est pas mal, mais... Je veux dire, dans une playlist, ça passe, mais t'iras pas forcément voilà, de toi-même ouais. réécouter. Ouais, complètement. Ouais. D'accord, très bien. Tout à fait. Ok. D'autres choses à ajouter ? Bah non, pas plus. Ça me déçoit un peu, parce que c'est, je pense qu'il y a des choses à dire sur ce groupe, mais là, pour ma part, non. Ça ne te vient pas ? Non, ça me vient pas. Ok. Étrangement. Bon, bah, je vais passer à mon dernier groupe. Ah bon ? Oui. Qui s'appelle Envie. Alors, ou Envaille, est-ce que c'est un Y ? Oui, c'est un Y. Ouais. Du coup, en fait, moi, c'est marrant, parce que je m'y suis très mal pris, et j'ai commencé à écouter le groupe que hier. Ah oui, effectivement. Je m'y suis très mal pris. Très mal pris, ouais. Et en plus, depuis hier, j'ai une image du nom marqué sur un running order. Donc je me dis, putain, c'est pas possible, ils sont passés il n'y a pas longtemps et tout. Et en fait, oui, ils sont passés il n'y a pas longtemps. C'était à l'époque où on ne faisait pas le podcast encore. D'accord. Donc Envie est un groupe... Qu'est-ce qui sonne le mieux, Envie ou Envaille ? Envie. Ouais, ok. Envy est un groupe de post-rock et screamo japonais originaire de Tokyo. Petite particularité, les textes d'Envy sont entièrement en japonais. Ah. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. Le screamo est un sous-genre musical dérivé de l'emo et du punk hardcore, ayant émergé au début des années 90. Et c'est là, je pense, qu'il est bon d'introduire le Metalverse. Parce qu'il y a le Marvelverse, il y a les Monstreverse, il y a tout le monde a son truc verse. Comme Hulk. Non, putain, le Marvel... Ah oui, non, le Monstreverse, vraiment. Non, le Monstreverse, il y a Godzilla, il y a... Ah oui, d'accord. Il y a tout ça. Ouais. Et après, il y a même les anciens... Enfin, non, techniquement, le Monstreverse, c'est Dracula et compagnie, et t'as les... Gargara, Gotra... Non, pas tout à fait, non. Parce non, fait... d'accord. Bah, bref, il y a plein de verses. Ok. Il y a le Metalverse. Megastrezand. Hein ? Megastrezand aussi. Oui, non. Ah oui, non, non. Ouais. Bon, le Metalverse. Non, donne-moi une bière. Pas raisonnable. Le screamo. C'est les vacances. Bah non. Bientôt. Ah, d'accord. De nombreux styles différents de chant sont associés au terme et certains groupes qui utilisent un style de chant guttural peuvent également y être associés. Il est également utilisé pour décrire de nombreux genres dont le post-hardcore moderne et le metalcore. Et de nombreux groupes et labels refusent d'y être associés, mais je ne sais pas pourquoi. Bon. Le screamo définit de nombreux sous-genres dont le crunkcore, un style de crunk utilisant les techniques vocales du screamo, alors que lui-même, le screamo, est influencé par le grindcore. Le Nintendo Core s'inspire du screamo et l'emo violence qui mélange screamo et power violence. Quand je te dis que c'était le Metalverse, bordel. Le Metalness. Non, c'est le Metalverse. Ah, pardon. Donc ça, c'était la page Metalverse. Donc venez pas me faire chier, le screamo, voilà. Et donc, bien... ça a pas évolué du coup. Quoi ? Bah tout ça, je veux dire. Non, mais c'est des sous-genres de sous-genres, voilà. Ah comment. Oui, d'accord. C'était pour te... Microsoft VR, c'est pas... Non, bah, pas encore. Non. Peut-être. Non, mais en fait, le Nintendo... Sony. Le Nintendo Core, c'est le principe de faire des trucs en musique 8 bits et... Ouais, je vois bien. Je vois bien l'idée. Alors, bien que créé en 98 par des potes de lycée, tu fais quoi ? Moi, rien. Viens, on fait rien ensemble. Créons un groupe qui va révolutionner le genre. Souvent comme ça. Hein. C'est en 2001, après plus d'une douzaine de EP et de singles, que le groupe sort son premier album studio, All the Footprints You've Ever Left and the Fear Expecting Ahead. Ouais, j'ai pensé à la même chose. S'ensuit plusieurs tournées aux États-Unis et en Europe, où le public, déjà mis en garde, leur donnera un bon accueil sur la scène underground. Déjà mis en garde. C'était marqué comme ça. Attention les gars. En France, ils jouent à l'Austrasic, ancienne salle de concert prêtée par la ville de Nancy, remplacée par l'autre canal, où le chanteur Tetsuya Fukagawa heurte le plafond de la salle à grands coups de pied de micro. Wikipédia, une source intarissable d'anecdotes. Oh, ils sont sympas. En 2003 sort Dead Thinking Story, qui ne donnera pas lieu à tourner en Europe. Malheureusement. Oh. Il faudra attendre du 24 au 26 juin 2005 pour une date inédite au festival Metal Hardcore Fury Fest. Situé cette année-là au Parc des Expositions du Mans. Ouais. Ça te dit quelque chose ? Confirmes-tu le lieu ? J'ai marqué. C'était quoi, en 2004 ? 2005. Oui, bah c'est oui. Tu confirmes ? Si c'était le même lieu, oui. Très bien. C'était sympa. Il s'agit de l'unique date de l'album A Dead Thinking Story du groupe en Europe, ce qui attirera leurs fans spécifiquement pour l'occasion. Par ailleurs, leur prestation au festival ayant réuni 40 000 personnes sur 3 jours leur assure une large renommée au-delà des fans de Screamo dans les milieux métal de l'Hexagone. Eh, mais ouais. En 2006, Insomniac Doze marque un tournant par rapport à l'album précédent, A Dead Thinking Story. Le groupe vote pour des morceaux plus post-rock et des compositions plus aériennes se rapprochant musicalement du groupe écossais Mogwai. Mogwai qui sera... Pas nourri après minuit. Déjà, mais qui sera au festival. Oui, c'est ça. Avec Limp Bizkit, des beaux regards. Lesquels, les Mogwai, les signeront pour l'Europe avec leur label Rock Action Record, toujours en 2006. Tetsuya Fukagawa apparaît en invité sur le morceau I Choose Horses, enregistré sur l'album Mr. Beats de ce même groupe, Mogwai. Ah oui, d'accord. Donc tout est lié. Ah ouais, non, okay. J'étais plus sur... Sur les petites bêtes non, sur les Dance Machine, moi j'étais parti là-dessus. Ok, en 2011 sort leur album Recitation, mélange contraste du guitare de plus en plus aérienne et d'un chant resté proche du chant Screamo. En 2011, à la suite de la catastrophe de Fukushima, le groupe sort une chanson dont les profits sont intégralement versés à l'aide aux victimes de la catastrophe. Enfin, été 2011, bien sûr. Petite pause dans la carrière du groupe, s'ensuit un autre album en 2015, une date particulièrement réussie en 2015 au Hellfest. C'était cette année-là. Cette année-là. Donc je me souviens d'avoir imprimé le Running Order et d'avoir vu Envy de marquer. Un départ de Tetsuya en 2016 et un retour en 2018, également accompagné d'un EP de titres que j'ai écouté beaucoup depuis hier parce qu'en fait, j'ai vachement, vachement aimé le groupe. Ah ! Étonnamment, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, qu'en fait, ils vont de plus en plus vers quelque chose d'aérien, mais en gardant un chant screamo. Ce qui fait un truc un peu paradoxal, qui m'a fait un peu penser à Death Heaven, justement par certains côtés, pour le côté vraiment musique qui un peu planante et un chant hurlé de tout ce que tu peux hurler. Moi, ça marche sur moi. Je me suis dit, toi, tu serais pas forcément fan de ça. Moi, j'ai bien aimé. Sur le dernier EP en date, j'ai même trouvé dans certains passages des petites sonorités japonaises, mais distillées, quoi. Vraiment distillé à travers la musique, parce que la musique est très... C'est particulier, comme c'est aérien et tout, et que le chant est hurlé. Voilà, c'est un mélange, faut aimer. Moi, ça marche sur moi, j'ai beaucoup aimé. Tout ce que j'ai écouté du groupe, j'ai bien aimé, dans l'ensemble. Et c'est un groupe, j'ai même regardé quelques vidéos live, que j'ai envie de voir, parce que ça se étonne étonnamment. Le post-rock, de cette façon-là, me parle beaucoup. Voilà, ça me... Peut-être que c'est le contraste total des deux. Peut-être que c'est un truc... parce qu'en plus, j'ai rien compris aux paroles. C'est totalement du japonais. Mmh, ouais, forcément. Mais c'est ça, voilà. Ça match. C'est vraiment, moi, tu mets la musique d'un côté, tu mets à l'opposé le chant, et les deux en parallèle qu'avance, et j'ai dit, putain, ça me parle. Mmh, ça match, quoi. Ouais, moi, j'ai bien aimé. J'irais peut-être pas jusqu'à acheter un CD. Mais en tout cas, j'aimerais aller les voir. Je les mettrai dans des playlists et je dirai aux gens, tiens, écoute, des trucs comme ça. Toi, je te dirais par exemple, écoute, mais d'avant, je sais que t'aimeras pas. Mais d'accord, ça matchera pas. Je pense pas. À cause du décalage, je pense, peut-être. Écoute, bon, je te ferai écouter à la fin du podcast. Ouais, d'accord. Tu me diras. Donc voilà, moi, je recommande Envy. Hein, pour vous faire une idée, c'est intéressant. Vous pouvez tout écouter. C'est effectivement, sur les trucs les plus récents, c'est plus aérien. Et il y a des passages où il crie un petit peu moins. Effectivement, il pose un peu plus sa voix. Mais voilà, faites-vous votre idée. Mais je recommande ce groupe. Eh bien, merci. Sachant que ça fait déjà 1h57 qu'on enregistre. 8h57 ? 8h57. Putain, c'est énorme. 1h57. Je te propose de tirer au sort les groupes vite, vite. Oh là là là ! Oh là là là ! Et de partir se coucher vite, vite. Parce qu'il est bientôt 1h du matin. Et qu'on est plus tout jeune. C'est ça, on l'a dit. Mon bon ami. Ben oui. Alors, est-ce que tu as une envie, une préférence? Envie. Elle est bonne. Alors. Sum 41. Ça va, c'est moi le dernier, donc c'est toi le premier. Le premier, hein, comme à l'accoutumée. Exactement. C'est parti, suivant. Alors. Bliss of Flesh. Hein? Ouais, Bliss of Flesh. Ok, fais voir. Avec deux S et oui, SH. Ok, très bien. Bah, écoute. À part que ça ne me parle pas du tout, quoi. Bah, moi non plus. Deadland Ritual, ah là là. Ah, c'est triste. C'est le super groupe. Ah, flûte. Je vais pas avoir grand chose à dire. Ah, bah, tant mieux que je tombe pas dessus, alors. Écoute, j'essaierai de dire ce que je peux. Ouais. Un roulement de tambour. Ok. bah tiens, tu vas l'écrire. Vlitmas. Non, pas Vlit. Bah, Vlitmas. Il y a Veltimas. Veltimas. Veltimas, ouais, c'est ça, Veltimas. Veltimas. Ah, c'est ouais. Veltimas. Bien, ouais. Je tiens aussi à rappeler qu'on écoutera aussi Amarante. Ah ouais. Donc tout Amarante. Ah ouais. Ah, j'ai eu Irgal. Est-ce que tu vas... Eh, pour l'instant, on part sur des découvertes. Ah bah là, totalement. Là, c'est... Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit rien. ok, d'accord. Employee to serve. Eh ben, employé to servir. Bah ouais, ouais, employé à servir. Mais je ne connais pas du tout, quoi. C'est merci, cool. Le Hellfest. Ils sont sympas, au Hellfest. Alors. Comment ils font pour trouver tous ces groupes comme ça Des Obsessed. T'es sûr que t'as bien mis tous les groupes du Hellfest, là? Attends, j'ai mis quoi? C'est pas non, un c'est festival ça. Ukrainien. Ah, le nom me dit quelque chose, dit Obsessed. Ah oui, vaguement. On est à combien là? C'est le dernier? C'est le dernier. Bah, mets ça. Vas-y, tu me mets ça. Mets ça? Mets ça. Mets ça. Bah, écoute, te la chanson. Ah, ça, je sais pas. Hein. Et mon dernier groupe. À mon avis, il y en a pas mal en Allemagne. The Living End. Ah, Living End. Ça, c'est du psychobilly, ça. Ah, bon. Donc, je te rajoute hein, dans Amarante, parce que sinon, tu serais capable de faire genre ah, bah, j'étais pas marqué. Moi ? Ouais. Putain, tu me connais mal, mec. Je vais bouffer du amarante tout pendant les... Tiens, au repas de Noël avec la famille. Amarante. Allez, tiens, t'en veux du amarante ? Eh, tu connais pas, je connais un super groupe. Amarante. Tiens, amarante. Allez, du coup, tu reprends de la bûche. Allez, et un petit amarante. Du coup... Pas d'émission la semaine prochaine. Oh, oh vacances, tout ça. Oh, bah oui. Ça, c'est bien. Donc, on se retrouve rapidement. On préfère pas donner de date. Oui. Parce que ça serait dommage de vous mentir. Bah oui, c'est ça. Et de vous décevoir. Oh. Non, on peut pas passer. Non, enfin, là, c'est un peu l'opinion publique. Ah oui, parce qu'on peut dire, on peut pas passer tout notre temps à les décevoir. Non, faire je fais genre qu'ils sont déçus, tout ça. Ah, d'accord. Non, ne le soyez pas. On reviendra plus fort que jamais. Ouais, et plus gros. Du coup, à bientôt. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Ah bah écoute. Et bah on vous aime. Et on vous emmerde. À très bientôt. Bisous. Salut. Merci. Pareil. T'es vraiment... Ah bah tiens. À qui le dis-tu? Cyclopède, moi je dis. Ah oui, c'est ton mot du jour. Non, non, non j'en ai pas, non. Ah d'accord. Non. Bah route tracteur. Pas un mot. Bah, c'est plusieurs mots. Bah, granit. Granit, c'est un mot. Granité, c'est très bon. Ah ouais. Ouais. Bien frais, au cola-cola. Parce que chaud, c'est de la boisson, c'est des beaux gosses. Bon. Hein? Quoi? D'accord. J'entends bien. Pas tant que ça, en fait. Faut peut-être que j'arrête d'aller sur le bon coin.